KL, tous les soirs 21h minuit sur Énergie, et l'intégrale en podcast sur énergie.fr. Bon, qui veut boire un verre ce soir après l'émission? J'ai pas que ça à foutre de mon temps, merde Mag, y'en a qui bossent. Non, moi c'est mort, je suis angoissé juste à l'idée de penser à tout le ménage qui m'attend. Ah, ce sera sans moi, j'ai muscu demain matin. Bon bah, moi je veux bien Mike. Ah bah parfait, je viens avec toi, tu m'invites, comme ça tu seras pas tout seul. Hein. Nous sommes en 2009 après Jésus-Christ. Toutes les émissions subissent la sévérité de la direction d'énergie. Toutes? Non, car une équipe d'irréductibles gaulois résiste au patronat. 5 ans après, ils sont toujours là le soir, sur Énergie. Mickaël, c'est Astérix dans ta radio. Mais oui, c'est Astérix dans ta radio, effectivement. Bonsoir à tous, j'espère que vous allez bien. Bonsoir. Et oui, ça y est, ça fait 5 ans, j'ai enfin dit bonsoir. C'est pas mal quand même. Hein. Bon, nous sommes mercredi aujourd'hui et c'est donc ce soir, en ce 9 septembre 2009, 90909, que toute la France se pose la seule et même et unique question. Vont-ils se qualifier pour la Coupe du Monde? Non, pas du tout. La question est, est-ce que mon colis Chronopos est arrivé? Ah oui, ta grande épopée postale alors, Mike. Eh ben, elle est arrivée. Donc ils avaient encore une fois entre... C'était l'histoire d'hier, hein. Ça fait 3 jours que j'attends un colis Chronopost, même plus depuis jeudi. Et c'est arrivé, j'étais déjà au téléphone avec Chronopost puisqu'il devait venir entre 8h et 13h. Debout à 8h, j'ai des cernes, je vous explique même pas. Ils sont arrivés à 12h59. Oh putain. Donc j'étais à deux doigts de gueuler. Bon bah finalement ça s'est bien passé. J'ai reçu le colis, donc tout va bien. Tout va bien. Maintenant c'est avec Free que je suis en colère parce que je n'ai plus internet. C'est pas avant midi Chronopost? Non, 13. Ah bon. 13h. Enfin, en tout cas, du moins c'est ce qu'ils m'ont dit. Hein, donc voilà donc pour mon histoire de colis. J'ai reçu des mails et tout, hein, donc j'ai bien reçu, vous inquiétez pas, tout va bien. Alors que si t'avais voulu t'échapper d'une prison en t'enfermant dans une boîte en carton, il n'y aurait pas eu le moindre problème. En 20 minutes, c'était réglé. Ah bah je te confirme, je te confirme. Bon. Allez, reste à espérer que les Bleus fassent eux un carton ce soir, un carton. Oui, bravo Mike, oh là là, qu'est-ce que t'es fort. Oh, ouais, c'est pas moi, je l'ai pompé. Le roi du jeu de mots et du calembour. Voilà, donc face à la Serbie. Ah déjà, coup franc pour la France, ouais, je pense loin. Que c'est Gourcuff qui va le tirer, ouais, mais une petite tête de Thierry Henry, c'est possible. Bon, très bien. D'ailleurs, j'ai vu que Domenech était en noir, il a compris déjà. Attention. Et c'est pas but. Allez, hein. Corner. Ouais, c'est pas mal. Ouais, enfin bon, ça rentre pas. Hein. Donc voilà, donc on suit le match. Hein. Nous avons mis ça sur tous les écrans du studio pour l'Euro. Histoire Sandro est ravi. Avoir la débâcle aussi, un drame. Ah ouais, Sandro est ravi. Devant, à, fond, ouais. À côté, derrière. Même moi, je l'ai en reflet dans la vitre. Non, mais bon, encore là, c'est l'équipe de France, donc bon, ça va. Ah mais c'est quand pas. C'est les matchs de ligue et de compagnie là où c'est infernal. Oh hein. ça va. Bon, on suivra ça de toute façon bien évidemment. On vous rediffusera d'ailleurs les deux énormes interviews exclusives qu'on a eues cette semaine, à savoir Raymond Domenech et Thierry Henry. Mais t'inquiète pas, on verra ça tout à l'heure. On rappelle vite fait l'enjeu du match, soir contre la Serbie. Une victoire relancerait la course à la qualification pour la Coupe du Monde. Un match nul nous assure d'être en barrage. Voilà. Et une défaite? Bah une défaite nous offrirait une exécution à coup de carabine, place de la Bastille pour Domenech. Ah, on dit ça, mais bon, il a très bons amis à la fédération, Domenech. Ah bah c'est la première fois. Bon, les amis du comptoir, du bar des sports, là c'est bon, on a fini, on peut faire autre chose que de parler de foot. Oui, bon, c'est vrai, t'as raison, il n'y a pas que le foot, il y a aussi les meufs et la musique, effectivement. D'ailleurs, il va en être question ce soir, puisqu'on recevra donc, comme on l'a dit tout à l'heure, et comme Cash n'a pas raté de le dire cet après-midi, Paramore dans l'émission. Donc, hein, on vous diffusera enfin ce qu'on a pu enregistrer hier, puisque bah, Paramore n'a pas pu venir ce soir en direct. Donc, enregistré Paramore, souvenez-vous, hein, pour ceux qui connaissent pas, c'est ça. Voilà, donc Paramore avec Ignorance, donc le nouveau single de Paramore, le tout nouveau que j'ai diffusé en premier en France. Ouais. Sentez un peu la fierté ou pas là? Une fois de plus, hein. Et oui. C'est pas le plus connu de Paramore. Non, le plus connu c'est celui-ci, écoute. Voilà. Et celui-là, c'est donc la BO du film Twilight avec Robert Pattinson, donc probablement un des plus gros succès ciné de cette année d'ailleurs. Ils sont en train de tourner le troisième volet de Twilight en ce moment même là au Canada. Ouais, et il y en aura 4 au total a priori si mes souvenirs sont bons. D'ailleurs, on en parlera de cinéma tout à l'heure avec Paramore, et puis on en parlera également avec les Mexicains. Et oui, c'est mercredi. Et oui, et du coup, petit ciné des Mexicains ce soir. Ils ont fait un gros carton, hein, donc la semaine dernière, hein, forcément, on y revient là oui, en carton, tiens. Gros carton donc avec leur petit ciné la semaine dernière. Bah, c'était le film Voyage sous les mers dans lequel il s'était carrément incrusté. C'est ça. Une grande histoire d'amour entre Pedro et certains animaux marins. Effectivement. Et n'oublions pas cette grande phrase. Dis-moi, la tortue, il est comment Pedro comme amant? C'est la grâce et la fragilité de l'hippocampe feuillu. Voilà, donc c'est joli, un hippocampe vu, hein, sans déconner. Bref, petit ciné des Mexicains tout à l'heure. On parlera vite fait du festival de Deauville, de celui de Venise également, avec certaines aventures qu'on a dû, qu'on a dû subir George Clooney. Heureusement, c'est pas nous. Ouais, c'est un gros sketch à base de nudité, ça, non? Exactement. Et de sketch, donc forcément, hop là, je rebondis devant une question aussi, puisqu'on a appris aujourd'hui une nouvelle demoiselle se lance dans le monde impitoyable des humoristes et du One Woman Show. Vanessa de Secret Story. Oh putain, ça ce serait bon. Mec, si elle fait ça, je mets tous les sketchs en podcast direct sur téléphone. Eh bah écoute, on n'est pas bien loin, cela dit, puisqu'il s'agit de d'une amie maintenant, hein. Oui, c'est Evangélie. Ah. Et on a les amis qu'on mérite, hein. Ouais, bah écoute, après. Je peux te parier que si elle fait un making of, il sera plus drôle que le spectacle. Bah écoute, on lui demandera, puisqu'on essaiera d'avoir tout à l'heure par téléphone pour nous parler justement de ce futur spectacle. Bon bah grosse émission encore ce soir. Exactement, Nico se réveille les gens le matin et nous on endort les stars. Voilà, comme et ça on la boucle est bouclée. Exactement, ouais. Bon, on n'est pas cela dit au bout de la soirée, hein. Il y a du gros dos encore qui va arriver en attendant. Dans l'immédiat, je propose qu'on s'écoute le répondeur et tous les messages que vous nous avez laissés depuis hier au 01 40 71 3400. On écoute ça et le meilleur repart avec un cadeau. Premier message portant la mention urgent. Bon, salut toute l'équipe, bon, c'est pour vous dire que je vous adore, mais Micha, j'ai gagné il y a quelques mois et soit t'as zappé d'envoyer le cadeau ou soit c'est le facteur qui s'est éclaté avec, mais bon. Bon bah allez, salut, bisous à tous. Fin du message. Et Micha qui l'a volé. Message suivant. Et Gabriel. Ouais, c'était pour demander si Roux et Micha sortaient ensemble. Évidemment. Message suivant. Oh, le contraste. Nirvana. Smells like teen spirit. Fin du message. Message suivant. Ouais, salut, c'est pour dire arrêtez de critiquer Rouge là sur la vidéo de Tokyo Hotel. C'est pas sa faute, vous vous rendez pas compte comment c'est dur. Attends, il faut qu'il cadre le haut des cheveux de Bill et en plus sa tête. Non mais c'est impossible, il doit faire un travail de ouf. Fin du message. Message suivant. Animateur radio, c'est un super métier. Et mis à jusqu'à voir l'équipe de bras cassés qui s'introduit tous les soirs vite fait dans ton poste. Jack en excès de vitesse, il finira au poste. Le rouage des caisses, c'est une vraie infection. Et son derrière même nœud, tof en érection. Tof qui doit payer des pensions alimentaires à force de forniquer aux quatre coins de la terre. Pedro et Pedro se mexitan à ce tour. Tofi, Rancard à Bénin et ses alentours. Au standard, il y a la princesse Micha qui est carrément frappée. Il se prend pour Obama. Le cas de la Sandro reste non élucidé. Elle imagine toujours Berquin à Douarnenez. Mais Michael, c'est le chef. Mais même par bout du nez. Essaye pas de la faire aux Belges ou aux Portugais. Malgré tous leurs défauts, c'est les bestes à la radio. Alors, écoute, chez toi, la bande de blaireaux. Fin des messages. C'était gentil celui-là. Oui, au revoir. C'est pris la tête pour le faire, ouais, en plus. C'est vrai ce soir, pris la tête. Ils ont mis la barre haute. Ouais. Hein. Et on fera gagner ce match-là qui nous met carrément en l'air. C'est le dernier. Et sinon, tu fais gagner tout le monde. Bah, Micha. Ah, ça fout la merde. Allez, tout le monde. Ah, ça va être une galère. Tout le monde. Oh là là, si. Bah, il a du boulot, hein, du coup. Hein. Ah, royal, il me dit non. C'est Thierry Henry et Marc, je rappelle tout le monde. Non, Micha, non, non, tu sais quoi? Quoi? Si je te dis de rappeler tout le monde, tu rappelles tout le monde. Allez, faisons ça, plutôt. Allez hop, tout le monde. C'est presque pareil, c'est comme si Thierry Henry avait marqué. Ouais. En théorie, ça marche. Ouais. C'est la même chose. Allez, voilà. Non, mais il n'y a pas qu'en théorie, hein, en pratique. Hein. Tenez-moi au courant, ceux qui étaient dans le répondeur, là. Si vous recevez pas un appel de Micha ce soir ou demain, c'est qu'il s'est foutu de ma gueule. Noël. Et c'est ça, avant Noël. Ouais, et grosse casse de Nicolas Anelka, mais comme les Bleus font pas vraiment exprès, il a failli le mettre du dos. Ah oui, effectivement, ouais. Oh, la puissance du mec, c'est pas du dos, il a mis une épaule. Ouais, il a failli, mais non. Bon, sinon, donc ce soir à gagner, on filera des packs iTunes pour pouvoir télécharger gratos de la ZIC sur iTunes. On a également des scooters à vous filer dès que le son du collectif Métissés passe à la radio, tout simplement. 612, débuté le message par. J'ai oublié, donc. Michael. Scooter, non, pas du tout, scooter. Avec vos coordonnées complètes, on aura aussi. Guitar Hero, des packs bundle Guitar Hero 2 sur Xbox avec la guitare et le jeu. Les packs Ushuaïa également, des compilations Energy 2009. On a également les Blu-ray et les DVD de Cyprien et des jeux vidéo avec Killzone 2 sur PS3 et sur Xbox c'est Wolverine. Voilà, et puis au niveau de la ZIG ce soir, on se fera péter le son de Muse qu'on recevra. Penalty pour la Serbie. Bon. Ça commence mal. Donc je disais qu'on allait passer Muse, qu'on recevra lundi soir. Ce soir on aura Paramore, on aura aura également le son de Lady Gaga, on aura peut-être le son du collectif. Et puis Agnès, pour qui? Pour le gardien français. Hugo Lloris. Hugo Lloris. Allez, carton rouge. Donc là, ce qui va se passer, c'est qu'il y a un autre joueur de champ. Attends, mais il va sortir, ça veut dire. C'est qu'il sort. Mais donc là, pour le penalty, pour le penalty, c'est un joueur de champ qui va aller au but. Oh non, oh là là. Si l'arbitre, c'est pas, si l'arbitre n'est pas un enfoiré. Mais qu'est-ce qu'il a fait, le gardien? Bah en fait, il a crocheté le Serbe. Mais comme le gardien était le dernier très très belle défense encore hein. Devant le but, du coup, il est considéré comme dernier défenseur et donc à carton rouge. Attends, en plus, pourquoi carton rouge? Il a rien fait. Franchement, il attrape la balle. Il ne touche pas. Mais c'est surtout. C'est surtout que le dribble du Serbe était raté, donc je pense pas qu'il y aurait eu but derrière. Regardez, il pousse trop loin son ballon là. Attends, il a rien fait, faut arrêter. Mais non. Comment ils vont faire? Ils ont plus de goal. Mais dire... si, il y a un autre qui va revenir. En fait, il y a un joueur de champ, par exemple, je te dis une bêtise, Thierry Henry qui va sortir. Et ils vont faire rentrer le gardien en place. Ah, ils ont le droit de faire ça. Voilà. Non, bah, non, ils ont de la chance. Non, mais ça serait marrant qu'ils se retrouvent sans goal pendant tout le match. Ah oui, ça va être drôle, ouais. Il va sortir Gignac. Parce que 10-0 pour l'Arménie, si tu veux, ça fait mauvais genre. La Serbie. La Serbie, oui. L'Arménie, c'est la Belgique. Non, l'Arménie, c'est la Belgique. C'est bizarre, le carton rouge qui s'est pris, il a rien fait. Bah, il a attrapé la balle, quoi. Bah, il a droit. Franchement, pour un arbitre, non, il a pas touché la balle, c'est ça le problème. Pour un arbitre, c'est hyper dur à arbitrer ce genre de plus. Et ils ont pas les vidéos maintenant? Ouais. Ah, non, ça, c'est le grand débat. Ils veulent pas la vidéo. Toujours pas. Attends, c'est le débat depuis 4 ans. Bah, oui, même plus encore. Ouais, c'est ça. Bon, ça fait, c'est la 9ème minute. Bon, on va tirer le penalty là qu'on voit. Alors, qui va être le gardien du. Bon, vas-y. C'est Mandanda, le gardien marseillais. Mais le joueur de champ. Le joueur de champ qui sort, on sait toujours pas. C'est le Ménèque qui va choisir. Ouais, je pense que c'est génial quoi. Oui, donc là pour le penalty, c'est pas le gardien. Si, j'espère. Il va laisser rentrer Mandanda quand même. Normalement, il laisse rentrer si c'est pas un enfoiré. Bah, il faut voir. Déjà qu'il n'y a pas vraiment faute. C'est ça. Ouais. Mickaël, le podcast. On fera un petit topo du côté des matchs dans quelques instants. Tous les matchs qui ont déjà eu lieu, les matchs qui sont en train de se jouer, les matchs à venir. Donc pour l'instant, toujours 1-0 pour les Serbes face à la France. Donc c'est la 18ème minute de jeu. Et la France qui joue à 10 surtout. C'est ballot. Il y a une centaine de supporters français qui avaient fait le déplacement. Ouais, bah, des écharpes irrésistibles français. Ouais. Bah là, c'est. Ils sont un peu. Allez, un petit but là quand même, non? Non, je pense pas. Non mais ça va être difficile hein, 10 contre 11. Ah bah à 10 déjà il va falloir égaliser hein. Déjà à 11 ils ont du mal. C'est ça, mais alors à 10 déjà il va falloir égaliser. Puis après il va falloir mettre un but en plus pour gagner. Ouais. Ça va être compliqué ouais, c'est surtout la fin du match qui va être bien. Il y a 52 000 personnes dans le stade. 52 000 il paraît. Et 100 français. Ouais, 100 français. Il paraît qu'en fait le stade qui s'appelle le Maracana. Mais avec un K. Ah. Parce que le vrai Maracana c'est le plus grand stade du monde. Mais il est au Brésil. Non. Là ils en ont fait un Serbe. D'accord, ok, ouais. Une escroquerie quoi. Bah un peu ouais. En fait ce stade c'est un trou ouais. Ce stade il fait 55 000 places. Sauf qu'à sa création et vers les années 60 en fait il y avait 110 000 spectateurs. Oh putain. Et après, c'est trop dangereux. Bon donc vite fait, donc s'il se qualifie pour la Coupe du Monde, on va parler un peu aux ailes hein, pour faire plaisir au Roux. Donc s'il se qualifie pour la Coupe du Monde organisée en 2010 en Afrique du Sud, donc les joueurs qui ont participé à au moins un match éliminatoire toucheront 150 000 euros. Au moins un match, c'est hallucinant. Donc le mec qui est rentré sur le terrain et qui est ressorti. Ouais, bah il a participé au match. Il prend 150 000 boules. C'est monté sur le terrain, c'est pas sur la feuille de match. Ce genre de chiffre, c'est juste pour encore plus énerver les gens par rapport à ce qu'ils gagnent et par rapport au jeu qu'ils fournissent. En fait, ils ont annoncé ça avant la Roumanie, tu sais, genre pour motiver les joueurs. Ouais. Ils ont dit voilà les mecs, si vous arrivez à vous qualifier, 150 000 euros. Mais attends, vu le prix qu'ils ont déjà avec leurs primes. Mais c'est ça, qu'est-ce que ils ont bossé. Mais c'est grave de les attirer par le fric, c'est une passion le foot, non? À la base. Oui. Mais ça fait longtemps club, que ceux qui jouent vraiment sont plus passionnés. Hein. Mais c'est vrai que c'est chiant. C'est chiant quelque part pour le joueur d'aller jouer en équipe nationale, machin. Arrête. Bah non mais c'est, si t'as pas la fierté, oui c'est chiant. Ah oui si t'as pas la fierté. Bon, bah voilà, c'est quand même le rêve de n'importe quel joueur quand non, même. C'est le rêve de l'équipe nationale. C'est le rêve de n'importe quel joueur de jouer dans son équipe nationale quand il est en finale de Coupe du Monde. Mais pas quand il doit se battre contre des Serbes. Bah si, parce que c'est de se battre ensemble. C'est surtout que ça rapporte tellement d'argent s'ils se qualifient, ça rapporte tellement d'argent à beaucoup de gens que voilà ils peuvent effectivement leur mettre une carotte pour être sûr quoi tu vois, sauf que ça marche pas. Ouais, mais rassurez-vous, donc ils toucheront donc 75 000 euros. Ils devraient leur filer de la thune à chaque fois qu'ils mettent un but par exemple. Ah, mais c'est ça. Mais ça aussi hein, le buteur il a ils ont une prime en plus par but. Ils ont une prime de but et ils ont une prime de victoire et normalement les gardiens ils ont une prime de cage inviolée. Mais bon ouais. S'ils prennent pas de but ils ont une prime. Donc s'ils se qualifient pas ils gagnent combien? Alors donc s'ils se qualifient pas, donc ils ont 75 000 euros. Ouais, c'est bien. Hein. Mais c'est restons... bien parce qu'ils ont quand même la moitié, c'est-à-dire que... Voilà, mais restons optimistes, d'autant que 230 000 euros sont déjà passés sous le nez des joueurs, évidemment. Hein. Donc cette somme qui aura dû leur revenir, en fait, s'ils avaient remporté les 8 matchs de sélection. Ce qui n'a dommage. Pas été. Dommage. Voilà, c'est ça. C'est pas grave, ils ont bien gagné quand même, donc ils s'en foutent, hein, je pense. Oui, bah ils ont bien gagné quand même. Enfin, ils peuvent encore se rattraper, cela dit en passant. Hein. Si l'équipe de France donc gagne la Coupe du Monde, alors on en est loin. Hein. Voilà. Donc chaque joueur repartira avec 240 000 euros qui s'ajoutent naturellement aux somme qu'on a déjà donné juste avant, évidemment. Hein. Voilà, en gros. Dans l'équipe de France, il n'y a pas de salaire. C'est-à-dire qu'ils ne touchent pas un truc par mois. Ah, d'accord. Comme en club. Ouais. C'est ouais, que mais... basé sur de la prime. Mais ils touchent une prime par match. Quand voilà, ils touchent un truc, c'est ouais. que de la prime. Ouais. Voilà. Et pour donc, Domenech, alors ? Alors, et pour Domenech, parce que lui aussi, il a une prime, attends, quand même. Ah oui. Il est venu en costard le soir. Alors que lui, il a un salaire. Par voilà, donc la prime ouais. de qualification sera doublée par rapport à celle des joueurs. Donc il gagnera 300 000 euros. Et donc, selon les chiffres non officiels qui circulent dans la presse, c'est le chiffre qui est annoncé, en tout cas rien en revanche évidemment sur ce qu'il percevra en cas de victoire s'il est toujours là. Mais c'est logique que l'entraîneur prenne plus que les joueurs. C'est lui qui prend tous les tirs, hein. C'est à dire que là en l'occurrence c'est lui qui met aucun tir et c'est lui qui se fait fugir à juste titre au final, hein. Il se fait défoncer, Domenech. Ouais, il se fait défoncer, mais enfin bon. Et puis sinon un petit quelques petites infos au niveau des drames de l'équipe de France, genre les trois dernières années. Trois dernières années. Septembre 2005, l'Euro, tu te souviens d'équipe? Ouais, enfin, France-Irlande, ouais. Irlande-France. Ouais. Voilà, c'est ça. Donc c'était sauvé par Henry, hein, de justesse, évidemment. Tu te souviens encore de ce qui s'était passé? Non, je me rappelle plus du tout. Bon, bah très bien. Donc en fait, c'était Henry qui avait sauvé l'équipe de France. En gros, il était. Alors c'est ce qu'il dit. J'étais largement moins bien qu'aujourd'hui. C'est ce qu'il disait la semaine dernière à Clairefontaine. Donc on peut être rassuré. Ça pourrait être pire. Ça va, hein, parce qu'il avait sauvé l'équipe la fois passée en 2005, alors qu'aujourd'hui il se sent vachement mieux. Mais ce qui est drôle avec Thierry Henry, c'est qu'on a pas arrêté de parler dans la presse qu'il s'est embrouillé avec Domenech. Et comme par hasard, à la conférence de presse du lendemain de cette embrouille, tu vois une grande photo dans l'équipe où ils sont en train de se taper une barre tous les deux. Voilà. Donc il y a plein de gens qui ont dit ouais, c'est une opération de com de la fédération, c'est pour faire genre ils s'entendent bien et tout. Bah oui, en fait, c'est sûrement ça, non ? En fait, c'était pas ça. Il a fait les 20 heures quand même pour rectifier le tir. Ouais, pour rectifier le tir, mais. Voilà, au début, mot j'ai fait, putain, vous avez même pas relevé. Enfin bon, t'enflamme pas. Hein. Au début, tout le monde a pensé que c'était donc de la com, et au final, ils se sont rendus compte que non, c'est juste qu'en descendant de l'avion, ils avaient eu des problèmes d'enregistrement. La conférence de presse s'est faite dans l'aéroport. La salle, elle était minuscule. Ils ont pas arrêté d'échanger leur fauteuil, alors qu'on s'en fout pour une conférence de presse. Si tu veux, t'avais le fauteuil de Domenech et d'Henri. Il y a un mec qui venait, il dit, oh, excuse-moi, je crois qu'il y a un problème. Et puis il échangeait les fauteuils. Et donc au final, ils se sont dit, mais qu'est-ce que c'est que cette conférence de presse de cas sociaux? Et c'est pour ça qu'ils ont. C'est pour cas sociaux. Voilà, c'est ça. C'est pour ça qu'ils se sont marrés et ils ont pris la photo à ce moment-là. D'accord, ok. Bon, alors sinon 2006, donc, hein, France, Corée du Sud, un partout. Ouais. Voilà. Ah, c'était en Coupe du Monde, ça. Ouais, juillet 2006, toujours la Coupe du Monde. France-Togo, 2-0. Oh là là, attention, ça y est, c'est bon. Là, ça y est, ça démarre. Contre le Togo, hein, rappelons-le. Et en septembre 2007. Faut dire que s'il gagnait pas ce match, on voyait pas le coup de boule de Zidane quand même. Hein. Ah oui, c'est vrai. Oui, c'est vrai. Effectivement. Ouais. Bon, septembre 2007, donc, hein, France-Écosse. Ouais, c'était un but, c'était au Parc des Princes en plus. Ouais, exactement. Ouais. C'était qui au but? Ouais, exactement. Le gardien lillois. Ouais, juin 2010. À l'époque français. Non, le gardien de l'hôpital. Ouais, oui, pour l'instant, ouais. Juin 2008, hein, France-Italie, bon bah. Ouais, bon bah ça on sait. On connaît, hein, on connaît la suite. Et 1 et 2 et 2-0. Et oui. Voilà, on en reste là. Et puis donc septembre 2008. Il y a pile un an. Et oui, pile un an. France-Serbie. Ah bah dis donc. Ouais, ouais. 2-1 pour la France. Mais joueurs ont ce jour-là. Ah bah ouais, mais ils peuvent faire 2-1 aussi, on sait jamais. Hein. Ouais, 2-1 pour la France, donc une victoire contre la Serbie. Mais dans la presse, on parlait d'absence de style et on se demandait l'avenir du coach. Voilà, alors, bah il est toujours là. J'ai envie après, de te hein. dire que voilà, on aurait dû être content d'un 2-1. Ouais, ouais, je te confirme. Donc il va bien, il est là, lui va bien. Hein. Pour l'instant, ouais. Et donc 3 tirs cadrés pour la Serbie, 0 pour les Français. Oui, mais déjà ils essayent de rattraper le ballon. Hein. Putain. Voilà, parce que je rappelle qu'il y en a un qui joue. Oui, le but c'est quand même de le toucher, non? Oui, le but c'est de le toucher. Mais au moins une fois par un match, quoi. Je me mets à la place en fait du joueur qui n'a rien fait, qui est obligé de sortir. C'est parce que c'est le gardien qu'ils ont tège, qui a pris un rouge. Donc il a été remplacé par un autre gardien. Mais ce qui est encore pire, c'est que lui, pour le coup, il n'a même pas touché le ballon. Qui plus est, et donc le joueur qui n'a rien à voir dans l'histoire, bah, il rentre chez lui. C'est qui pour le coup? C'est Gignac. Ouais. Voilà, c'est ça, ouais. Le Toulousain. Bon, et très brièvement, donc le Portugal gagne pour l'instant, tout va bien. Israël, donc, qui joue contre je ne savais même pas qu'ils avaient une équipe de foot, le Luxembourg. Mais 6-0. Non. Mais faut rappeler quand même, pour le Luxembourg, quand même, que c'est une équipe donc de non professionnels. Ouais, hein, c'est vrai. Des amateurs, hein, parce que 6-0. C'est quand même le boucher du Luxembourg et qui tient les buts. Hein, c'est vrai. Bah la preuve, hein, 6-0. Sinon, c'est pas le pire. Hein. Tout à l'heure, il y a eu la République tchèque face à Saint-Marin. 7-0. Ah oui, c'est mais Saint-Marin. Ah bah oui, mais on fait 7-0 quand même. Oui, on faudrait qu'on fasse peut-être un point sur la Belgique. Oui, mais j'y arrive. Peut-on parler juste des îles Féroé avant? Oui, ça arrive. Arménie-Belgique, donc 2-1 pour l'Arménie. Alors pour le coup, je savais pas que l'Arménie avait une équipe. Mais vraiment pas. Alors l'Arménie, c'est 128e au classement FIFA, la Belgique est 68e. Voilà, et ils ont perdu 2-1. Donc ça veut dire que pour le prochain Euro, on sera dans un chapeau de merde et qu'on va jouer contre l'Angleterre. Voilà, et donc c'est pas gagné encore pour la Belgique. Bon, le principal, c'est que le Portugal gagne pour l'instant. L'entraîneur intérimaire s'est barré en Belgique. Hein. Il fallait. Hein. Ah, il avait même pas commencé, je crois. Hein. Si. Non, c'est l'intérimaire. Ah, c'est l'intérimaire. Ouais. Ah oui, d'accord, ok. Bon, on refera un petit tour du côté du foot tout à l'heure. Hein. L'Euro, tout s'en suit ça sur ces quatre écrans géants qu'il a sous le nez. Parce que ça va bien se passer. Le 7-0 peut devenir pire encore. Ah oui, oui, oui. Ah oui, oui. Ah non, 7-0, c'est acté. C'est hein. Fini, par contre, Israël peut encore mettre des buts. Hein. Ah ouais, parce que la République tchèque, c'est fini, mais Israël peut encore mettre des buts. Hein. Michael, le podcast. Bon, passons à Secret Story. Allez, bonsoir. Voilà. Oui, bonsoir Benji. Salut. Et donc ça y est, Sabrina et Jonathan se sont enfin embrassés. Alors petit rappel, hier à la fin de la quotidienne, hein, c'est Jonathan en fait qui passe un petit message d'amour à Daniela qu'il aimait. J'aurais souhaité dire à Daniela un peu le fond de mes pensées aujourd'hui. Ça fait quelques semaines que je réfléchis à notre relation. Les sentiments amicaux que j'avais pour Sabrina... au début du jeu sont en train de changer et à partir du moment j'ai envie de me la faire quoi. Où je suis en chien depuis deux mois, je suis plus entier comme aujourd'hui. Il a surtout envie d'être par respect premier. Pour Daniela ouais. J'aimerais je le respecte arrêter l'engagement que j'avais dans notre relation et dans elle a pas perdu de temps Sabrina avoir. Elle se fait larguer, elle en trouve un autre direct. Ah bah direct. Et le pire c'est que la semaine dernière sur le Prime, il y avait donc Daniela qui a pris la parole parce que Sabrina était nominée mais bon elle est restée dans la maison. Ouais. Donc Benjamin Castaldi il dit à Daniela, vous êtes pas trop inquiète, vous aurez peut-être préféré que ça soit Sabrina qui y sorte à la place de Kevin. Et elle dit non, ça va permettre à Jonathan de prouver à tout le monde qu'il ne se passera rien avec Sabrina. La pauvre quoi. Elle a dit je crois tant qu'il baise pas ça va. Oh bah alors ça va et tout après, va ça bien va. Alors bon bah justement revenons donc à Sabrina justement parce qu'il a été voir Sabrina juste après avec une technique de drague quand même hein. Pas mal. Par respect pour elle je veux pas qu'elle m'attende alors que moi c'est toi que j'ai envie d'attendre. Voilà, c'est beau. C'est pas un lover, c'est pas beau. C'est beau, c'est beau. Il lui manquait beau. Plus que les étoiles dans ses yeux et on était au top. Allez, bon maintenant on va faire un petit jeu. Allez, attention. Ah non, mais de toute façon, quand t'es énervé, hein, cherche pas. Hein, quand t'es énervé, tu détestes toute la Terre. Enfin, pas toute la Terre, mais tu détestes... Voilà, alors à votre avis, si on n'en veut pas à toute la Terre, on peut en vouloir à qui? Ou à quoi? Enfin, le jeu de finir les phrases de Vanessa. Voilà, donc si vous avez, si vous pensez avoir la bonne réponse, 6-11-12, débutez le message par M-I-K-L avec la réponse et votre numéro de téléphone. Allez, on redonne un petit coup de main quand même, allez. Ah non, mais de toute façon, quand t'es énervé, hein, cherche pas. Hein, quand t'es énervé, tu détestes toute la Terre. Voilà. Enfin, pas toute la Terre, mais tu détestes... Un bout de la Terre. Voilà, c'est donc... Bon, si vous avez une idée, donc allez-y, on vous filera des cadeaux. Hein. Ceux qui ont suivi Secret Story, ce sera facile. Tu détestes quelqu'un. Les autres, imagination. Michael, le podcast. Bon, allez, on va se faire le jeu des amis en attendant avec Stéphanie qui est là. Bonsoir Steph. Salut Michael, salut tout le monde. Comment ça va? Salut. Bon, ça va. Hein. Bon, moi, je fais un bisou à Sandro. Hein. Écoute, c'est gentil, je t'embrasse également. D'accord, ok. Non, c'est ça. Il n'y a pas de mal. Hein, Stéphanie, tu aimes les femmes qui aiment les femmes? Oui. D'accord. Bien, d'accord. Sandro met la langue alors. Eh bien, il n'y a pas de problème. Bon alors, Steph, t'appelles du 5-7, le banc Saint-Martin. C'est ça. Très bien, très joli endroit. Oui, on est bien assis, jamais été. Ouais. Oh là là. Non, moi non plus. Bon alors Stéphanie, on va faire le jeu des amis, on va appeler des amis à toi forcément. Hein, avant de commencer le jeu, moi j'ai une question à poser. Oui. Quand Sandro est célibataire, elle peut venir te voir ce soir, il n'y a pas de problème. Toi viendra également pour faire des vidéos. D'ailleurs pour le bien de Sandro, combien mesures-tu? 1m71. Combien pèses-tu? 70. Quel est ton tour de poitrine? 95C. Ah oui. Et la taille du dernier pantalon que tu as acheté? 42. Ah oui, Sandro est déjà en route, hein. Elle peut venir dès ce soir. Y a pas de souci, arrive. Non, sérieusement, j'ai une question à poser. Ah merde, c'est fini. Ah mais c'est fini. C'est dommage, j'ai galéré le temps que je cherche les le son là. C'est dommage parce que franchement c'est un bon petit dossier. Ah ouais, du coup j'ai pas entendu. Ah bah bon c'est petit dossier. Ouais. Un bon petit dossier, ouais, c'est ça. Ouais. Ah, bon bref. Est fameux. Donc tu disais, c'était quoi ta question, Steph? Quand on va sur le site là pour regarder avec la webcam, comment on fait pour laisser un com en dessous? Quel casse-pied, c'est épuisant. Tex, elle pose une question. Mais comment ça, en dessous de quoi? Bah parce qu'en fait quand t'as la webcam, t'as en dessous, t'as pour laisser un commentaire et t'es censé avoir un code et en fait il s'affiche pas. Est-ce qu'on a besoin d'une précision? Oui, bah oui, j'aimerais bien une précision parce que bah déjà nous il n'y a pas de code et puis en plus de ça tu peux mettre les messages mais à côté, pas en dessous, donc j'en déduis que tu n'es pas sur le bon site. Bah si, oui, mais en dessous, à côté, on s'en fout, t'as un truc pour laisser des commentaires. Là. Ouais. Et à côté, ça veut dire retaper le code, saisissez le code, machin, qui a écrit à côté, et ça ne le marque pas. Ouais. Bah, je sais pas, moi, je mets pas de code. D'accord. Tu es bien sûr. Je ne comprends rien du tout. T'es sur quel site? Quelle couleur il y a, le site? Bah, je vais sur energie.fr. Ah bah voilà le problème. Il faut aller sur mikl.fm. Voilà. Et après tu cliques sur mate la webcam et tu vas voir, hop là, tout va s'ouvrir, t'auras le son, l'image, les textes, tout le bordel. D'accord. T'as vu? Non, enfin, bon. T'as pas encore vu, mais tu verras. Non, j'ai pas vu, mais je verrai. Bah parfait, très bien. Bon, putain, mais pourtant tu le répètes tous les jours. Eh fois oui, par soir, mais qu'est-ce que tu FM. Veux, c'est pas mais grave. Mais non, mais c'est parce que Micha il m'a parlé d'un truc avec Facebook là, j'ai rien compris tout à l'heure. Non, rien, c'est le jeu des amis, mais c'est pas grave. C'est pas grave. Je pense que Facebook que Micha lui a donné son profil Facebook personnel. Ah, ça sert à rien, Micha. C'est ça, Micha. Elle aime pas les hommes. Elle aime les femmes qui aiment les femmes. Bah oui, bah attends, bah oui, mon favori. Ah, oui, oui. Ah bah justement, c'est pour ça que je voulais avoir. Oui, mais mon Facebook n'a rien à voir avec le site de l'émission. Là. Non, bah bien sûr, évidemment. D'ailleurs, on peut peut-être le donner à l'antenne si tu veux. Ah oui, bah l'occasion. Oui, c'est Micha. C'est ça, ouais. Oh, très beau rire Stéphanie, mes félicitations. Bon Stéphanie, on va jouer au jeu des amis maintenant. Non, tu veux qu'on appelle tu veux qu'on appelle qui? Marie, Nathalie, Christelle. C'est marrant que des Nathalie. Filles. Nathalie, une pote. Bah écoute, c'est parti, on y va. Une pote, ouais. On lui pose 10 questions, si elle répond correctement à 6 d'entre elles, c'est gagné. C'est une pote qui t'a brouté le minou ou pas? Oh là là, non. Qu'est-ce qu'on s'en branle quoi? Ah non, moi je me branle dessus. Ouais, allô Nathalie? Oui. Salut Nathalie, c'est Mickaël, t'es en direct à la radio sur Énergie, tu vas bien? Bon, oui. Bah oui, tant mieux. Bon, Nat, je t'appelle avec Stéphanie. Tu connais Steph? Oui. Non, c'est qui? Bon, on va jouer au jeu des non, amis. Mais non, tu vas voir. On va jouer au jeu des amis. Je vais te poser 10 questions au sujet de Stéphanie. Si tu réponds correctement à 6 d'entre elles, c'est gagné, d'accord? D'accord. Ok, allez, bouge pas de là donc. Hein. Il faut répondre du tac au tac. Si tu sais pas, tu peux passer. C'est considéré donc comme une mauvaise réponse. Et puis, bah bonne chance. Merci. Allez, c'est parti. Quelle est l'insulte préférée de Stéphanie? Salope. Oui, c'est une bonne réponse. Quel est son signe astrologique chinois? Chien. Oui, enfin chienne, hein, techniquement, mais ça oui, effectivement. Quelle est la taille du dernier pantalon qu'elle a acheté? 42. Oui, effectivement, 42. S'il était une position imaginaire du Kama Sutra, laquelle serait-elle? Papillon. Effectivement, le papillon. Vous êtes sûr qu'il n'y a jamais eu une broute minou entre vous? Vous êtes sûr qu'il n'y a jamais eu une broute minou entre vous? Ça te regarde pas. Ah bah, c'est-à-dire que là... Ça ne nous regarde pas. On a compris. Non, voilà, c'est ça. Quand tu sais pas, c'est considéré comme une mauvaise réponse. Et cette réponse-là, par contre, c'est considéré comme un oui. Voilà. Voilà, donc on a bien compris, t'emmerdes pas. Donc, le papillon... Très beau rire, Stéphanie. Le papillon, voilà. Alors, qu'est-ce que c'est? Bah, les deux jambes en l'air, les deux bras en l'air, attache-toi, quoi. Les deux bras en l'air, les deux jambes en l'air. Ah oui, donc tu pratiques également le SM. Hein. Attaché avec des... Très beau rire. Allez, question suivante. Pour l'instant, 4 bonnes réponses, c'est pas mal. À quel âge a-t-elle eu sa première relation sexuelle? 19 ans. Eh oui, oh là là, dites donc. Vous êtes sûr qu'il n'y a pas eu de broute minou là? Avec un homme ou une femme? Ah, c'était monsieur ou madame? Steph? Comment? De quoi? C'était monsieur ou madame la première fois? Monsieur? D'accord, non mais y a pas de mal, hein, je pose la question. Très beau rire. Quel est le lieu le plus insolite où elle a déjà fait l'amour? Machine à laver. Ah ouais, bonne dedans. Réponse. Hein. Bah, vous êtes sûr qu'il n'y a pas eu de broute minou? Non. Ah non, bah, c'est sur la liste. Quelle partie de son corps est la plus poilue? Aucune. Effectivement. Allez, un berbe. Vous êtes vraiment sûr qu'il n'y a pas eu de broute minou? À sans faute là. Mais c'est pas sûr encore. Hein. Quelle partie du corps l'attire le plus chez un homme ou une femme en l'occurrence? Les fesses, comme moi. Ah oui, bonne réponse, oui. Mais vous êtes sûr qu'il n'y a pas de broutine? Oui, parce que vous êtes lourdeur. À quoi est-ce qu'elle est allergique? Pollen. Au pollen. Alors vous êtes vraiment sûr qu'il n'y a pas de broutine? Non. D'accord. Quelle est la chose la plus ignoble qu'elle ait mangée? Une tarte au poêle. Ah, t'as dit quoi? Verre de terre. Verre de terre. Un verre de terre. Bah oui. Non, mais vous foutez de ma gueule là. C'est-à-dire ouais. que 10 bonnes réponses et tu fais, tu sais pas et tu dis. Oh pff, allez au hasard. Un verre de terre. Au hasard, oui, c'est vrai. Que j'aime pas les bêtes là, alors je me suis dit, je vais dire pareil. Ouais. C'est du hasard quand même très bizarre. La position inventée aussi, faut vraiment avoir de la chatte hein, pour tomber dessus. Chatte, brute minou. Par contre, t'as bouffé un verre de terre, hein, vraiment? Hein? T'as bouffé un verre de terre pour de vrai? Ouais, quand j'étais petite. Ah, t'es siphonné un peu quand même. Siphonné. Un verre de terre. Attends, quand t'es petite, tu ramasses tout ce qui traîne. Ouais, manges, mais tu les bouffes pas. Bah oui, c'est ça, ils ont rien fait en même temps. Hein. Attends, c'est de la viande, hein. Oh, c'est dégueulasse. Mais chocolat, il faut bien. Viande, on peut voir ça comme ça. Bon, on va vous filer des cadeaux, les filles. Je vous repasse Michel au standard. Et il va être comme un ouf. Donc un sans faute, on est d'accord. Ouais, sans faute, ouais. Et il va être comme un ouf, Michel. Deux meufs en même temps, qui plus est. Ce qui a déjà mangé peut-être un verre de terre. Ouais, non, mais ça, on s'en fout, hein. Mais il va être comme un ouf. Bon, gros bisous, les filles. Bisous. À bientôt, ciao à vous. Et si vous voulez jouer au jeu des amis, on remet le couvert demain dès 21h. Au paquet de rêve, les gars, tout au bien. Oui, voilà, tout au bien. Et pour l'instant, tout au bien pour le Portugal. Puisque, je sais pas, je dis ça au hasard, 1-0, c'est la mi-temps Hongrie, tout va bien. Bah pour l'instant tout va bien. Sinon Facebook, petite, pas vraiment une info Facebook, mais apparemment Facebook rendrait plus intelligent. Bah, il paraît, que Twitter, hein. C'est une étude comparative qui a été faite. C'est le battle Twitter Facebook. Non, en fait c'est un docteur Tracy Holloway, psychologue pour être précis en fait, qui a selon elle elle a fait une étude concrètement et elle s'est rendue compte que, disons, ils ont mis des jeunes de 11 à 14 ans. Ils les ont mis sur Facebook pendant quelques semaines, puis ils ont mis sur Twitter pendant quelques semaines, et ils se sont rendus compte que Twitter abrutissait les jeunes, alors que Facebook pas. Alors vous allez me dire pourquoi? Eh ben parce que Twitter, en fait, Twitter c'est juste un fil d'information que tu lis bêtement. Sans rien dire, sans rien faire. Alors que Facebook, c'est pas le cas. Facebook, t'as les infos, tu peux réagir, t'as ton réseau que tu peux agrandir, diminuer, chercher des nouvelles personnes, etc. Il y a plus de choses à faire, c'est sûr. Tu peux faire des jeux à la con pour savoir quel extraterrestre couleur, tu peux être, par exemple. Quelle couleur te correspond? Voilà, ou quelle couleur es-tu? Notre argent des impôts, donc il va à ce docteur. Non, ça va, c'est tous les États-Unis. Oui, mais enfin bon, c'est pareil. On doit en avoir des pires qui font des expériences encore plus. Peut-être, ouais. Oui, ça, oui, par contre. Ouais, oui. Voilà. Et donc pour nous dire que Facebook rend plus intelligent que Twitter. Ah voilà, c'est important de le savoir. Mais attention, il faut quand même savoir aussi que les enfants qui utilisent Facebook ou Twitter ont quand même, après 8 semaines d'exercice de mémoire, 10 points de plus sur leur QI. Sandro. Ah, pas mal. Bah, je vais m'y mettre à donf. Va sur Facebook. Par contre, en parlant de Facebook, je voulais prévenir les auditeurs. Attention, il y a une application qui s'appelle FanCheck. Non, c'est un virus en fait. Oui, donc allez pas dedans. Et si vous êtes de. Parce que des fois tu. Sandro, tu vois, quand tu plonges. Quand tu plonges. Bah, elle dans est pas dedans. Ouais. Voilà, tu plonges. Bah Sandro, elle a plongé, elle a mis des trucs bien lourds, tu vois, des comment on appelle ça? Des poids pour être dedans quoi. Non, mais dès que le truc est sorti, elle clique dessus. Non, justement, bon. Même quand tu cliques pas dessus, en fait, ça, tu te retrouves dedans parce qu'on te fait la liste des gens qui vont le plus souvent sur ton Facebook mettre des coms en fait. Du coup, tu te retrouves sur les pro. Bah, faut connaître Facebook aussi. Ah pardon. Tu te retrouves sur les profils en photo dedans et faut se détaguer. Pour ceux qui connaissent, parce que sinon, même si tu choisis pas de faire l'application, tu peux choper le virus quand même. Donc faut juste faire attention sur Facebook, à fan check. Voilà, fan check. Si vous voyez des photos qui arrivent où vous êtes dedans, détaguez-vous. Ouais, par contre, j'ai rien compris. Ouais, j'ai pas compris parce que c'est quoi le virus en fait? Il mélange tout tes coms, il t'en efface, il fout le bordel quoi. Oui, j'ai eu ça effectivement, mais je sais pas comment ça marche. Je sais pas comment il faut faire pour aller enlever cette merde. Tiens, en général, le virus. Tu te détagues de la photo. Bah, tu verras tout à l'heure. Michael. Le podcast. Bon, je vous avais posé la question tout à l'heure. On va voir si vous avez trouvé à qui Vanessa en veut. On répond. Ah non, mais de toute façon, quand t'es énervé, hein, cherche pas. Hein, quand t'es énervé, tu détestes toute la terre. Hein. Enfin, pas toute la terre, mais tu détestes. Ah putain, on sait pas alors. Un bout de la terre, je sais pas. Voilà. Attends. Il y a Amélie qui est là, 24 ans maintenant de Strasbourg. Salut Amélie. Bonsoir. Comment ça va? Ça va. Bon, bienvenue à toi. Oui, ça va, Amélie, tranquille, tout va bien. Est-ce que tu sais ce que veut... Enfin, par quoi va finir Vanessa dans sa phrase bizarre de la Terre? Oui, je pense. Vas-y. Donc c'est tout le monde. C'est? Tout le monde. Tout le monde. Écoutons pour voir. Ah non, mais de toute façon, quand t'es énervé, hein, cherche pas. Hein, quand t'es énervé, tu détestes toute la Terre. Hein. Enfin, pas toute la Terre, mais tu détestes tout le monde. Hein. Oh, Vanessa, même. Bravo Amélie. Attends, quelque chose est juste énorme. Qu'est-ce qu'il y a Vanessa? Mais voilà, si on est en courant dans cette maison, parce qu'on se fout de ma gueule. Non, c'est pas ta gueule. Là, je comprends pas pourquoi est-ce que tout d'un coup tu trouves qu'on se fout de ta gueule. Enfin, c'est... Heureusement que t'es là, j'ai envie de dire. Ah bah, oui, parce que sinon il se passerait rien dans cette maison. Bon, et bah écoute, c'est gagné Amélie. Oui. Grâce à Vanessa, t'as vu un peu le bol? Ah oui, trop bien. Est-ce que t'aurais pu imaginer un jour que t'allais gagner quelque chose grâce à Vanessa? Non, mais par contre j'aurais pu imaginer que j'allais parler moins bien français grâce à Vanessa. Ouais. Oui, alors ça par contre, non, mais ça c'est une certitude. Hein. Non, mais un jour on parlera tous comme elle. Hein. J'espère non. que non. Hein. Mais non. Justement, tant qu'on parle de Vanessa, tout à l'heure, parce qu'il y a Kevin qui a balancé grave sur elle. Ouais. On a récupéré les sons, donc on vous les fera écouter. Ah bah très bien, on fera écouter ça dans quelques minutes même, le temps de choper ça. Bon Amélie, je te fais des gros bisous donc, hein, et puis tu reviens quand tu veux. Oui. Et reste au standard, bien sûr, on va te filer les cadeaux, ça tombe sous le sens, je l'avais promis. D'accord. Bisous. Merci. Salut Amélie, à bientôt. Tu regardes au fait souvent Secret Story? Oui, ça arrive. Mais ça arrive ou tu regardes souvent? Genre t'es une fan ou tu regardes une fois de temps en temps? Non, je suis pas une fan, mais aujourd'hui j'ai regardé par exemple. D'accord, ok, très bien. Bah justement, bon, on va parler tout à l'heure effectivement de Kev. Kev. Ouais, de Kev. Gros bisous Amélie, je t'embrasse. Gros bisous. À bientôt. Tu veux en parler maintenant? J'ai des sons là, c'est bon. De Kevin? Ouais. Ah oui, mais attends, juste, il y avait Vanessa qui avait encore un truc à rajouter. Non. Non? Non, non. Ah si. Ah, il me semblait aussi qu'elle avait un truc à rajouter. Elle me fait des signes depuis tout à l'heure là. Je suis nulle. Ah oui, bah oui. En même temps, tu l'avais déjà dit hier, Vanessa, c'était pas la peine de revenir pour ça. Bon, puisqu'on parle de Vanessa, donc Kevin, qui est sorti la semaine dernière, a fait une interview pour le site de Télé Loisirs, hein, où il parle de Vanessa, et là, on sent que c'est l'amour. C'est vrai qu'à la base, quand même, mon style de fille, voilà, c'est pas Vanessa. Je me serais pas retourné sur elle dans la rue, mais j'aime bien les filles un peu plus bronzées, et vraies blondes, quoi, et surtout qui font attention à elle. C'est sympa ça. Ouais, ouais, mais c'est pas tout, hein. Il a l'air mis une petite couche là quand même. Vanessa en plus. N'a rien à voir avec moi, je pense. Allez. Qu'on peut pas être comparés tous les deux. Voilà, Vanessa elle fait des fautes de français, je pense que voilà, je pense que je m'exprime bien et je pense que j'ai une certaine éducation. Sous-entendu, toi tu n'as pas d'éducation du tout. Non, t'entends mal toi, ça fait trois fois que t'essayes de parler, ouais. Trois fois que ça marche pas. Ouais, je comprends pas ce qui se passe. Bah moi je sais, tu pousses pas sur le bouton. Ah oui, voilà, c'est pour ça. Non, je veux dire, s'exprimer plus mal que Vanessa, c'est quand même très très difficile. Mais Kevin il s'exprime pas super bien non plus. Ouais, donc c'est enfin pas... par rapport à Vanessa quand même. C'est abusé de dire on n'a pas eu la même éducation, ouais, c'est, et tout, c'est violent quand c'est même. C'est facile à dire, ouais, je pense qu'on n'a rien à voir ensemble. Moi je crois que si, et je pense que si vous nous aviez fait un môme, c'était le champion du monde. Ah oh, bah oui, ça c'est clair. Bon, et sinon on en parlait vendredi avec Jean-Claude Elfassi qu'on a reçu. Benjamin viendrait bien dans la loge des candidats après le prime sous la pression de la prod. J'ai parlé avec Benjamin, c'est vrai qu'il est venu me voir dans ma loge après, et dit qu'il subissait un peu des pressions par la prod. Ah carrément. Il subit des pressions apparemment, le pauvre Benjamin. Oui, pauvre Benjamin. Mais oui, mais on en a même de la temps peine. Quand tu touches 600 000 euros pour faire. Tu peux deux avoir mois de un travail, peu de pression, hein. Tu peux avoir un peu de pression quand même et te mettre au travail. Parce mais faut voir de quel genre de pression il s'agit, quoi. Tu vois, si on lui dit ouais, fais ça pour les foutre dans la merde. Ouais, bien sûr. Il fait des choses qui lui foutent la honte, quoi. Oui, c'est il pas non plus. Pas trop. Enfin bon, 600 000 euros, je veux bien te taper la honte. Hein. Il se fait pas braquer avec un flingue par un Yougoslave, tu vois. C'est ça. Je sais pas. 600 000 euros en haut, tu peux te taper la honte. Ah oui, Même ouais, mais dans ce cas-là, tu l'assumes jusqu'au bout, tu vas pas dire au candidat, on me fout la pression. Ça fait 5 ans qu'il se tape la honte pour bien moins que ça, l'euro. Hein. C'est ça, un rond pour 300 000, il te présente Secret Story à poil, il fait des vannes pires que Castaldi. Je crois que même 50 000, hein, pour 2 mois. Ouais, ça, bah oui, 50 000 pour 2 mois. Mais TF1, vous avez votre nouvel animateur low cost. 10 000, même franchement, pour la 10 000, je fais. Ça tombe bien pour la TNT, ils cherchent des mecs comme ça. Ouais. Non, mais c'est vrai. Bon, y a tu lui mets Toff dans les pattes, c'est bon. Hein. Le duo, ah oui, là, oui, il oui. cartonne. Il est c'est possible. Ah ouais, oui, non, bon. Par contre, là, va falloir me payer plus. Hein, il y a Laetitia qui est là, 18 ans de Lyon. Comment ça va, la lyonnaise? Ça va et toi? Ça va, ouais. Bon, alors, toi, tu parles de Secret Story. Toi aussi, tu suis Secret Story ou pas? Bah ouais, tous les jours. Hein. Ah, tous les jours. Donc, alors, comment ça se passe? Est-ce qu'il y a des choses que nous n'aurions pas vues, bah, ou entendues, enfin bref, on serait passé à côté, quoi. Bah pas grand chose, enfin je trouve que ces temps il se passe vraiment pas grand chose dans la maison, quoi. Ce matin il y avait Fix qui a chialé parce que Bruno il est plus comme avant avec lui, il écoute plus ses conseils, alors ça l'énerve. Bah il y a la petite embrouille de Cindy aussi, parce qu'elle a encore elle a créé une fausse embrouille cet après-midi. Ouais exactement, ouais. Qu'est-ce qu'elle a fait? Bah en fait, donc c'était les nominations, et donc ils ont tous fait croire à Vanessa et à FX que en fait ils avaient tous nominé FX. Sauf qu'en fait c'était pas vrai. Et donc en fait FX qui avait demandé à tout le monde de le nominer et aller et retourner les voir en disant mais je comprends pas pourquoi vous m'avez nominé. Franchement vous êtes pas cool machin. Et tout le monde lui fait ouais mais tu nous as demandé de te nominer donc on t'a nominé. Ouais mais quand même c'est pas terrible. Et du coup Vanessa en fait elle a pété un câble en fait. Elle a dit ouais vous avez nominé FX parce qu'en fait vous vouloir que c'est moi qui sors. Et donc comme ça vous êtes sûr que c'est moi qui serai dehors la semaine prochaine. Oh voilà. Là là quelle horreur. Et donc ça a pas plu à Cindy c'est ça? Et non c'est parce qu'en fait c'est Cindy qui a monté toute l'histoire alors ah qu'en fait c'était pas vrai puisqu'ils avaient tous voté pour. Ouais mais je la comprends Cindy elle s'emmerde un peu là en ce moment hein. Bah c'est ça hein. En même temps c'est bientôt fini hein. Ils sont en train de s'imaginer qu'ils vont bientôt rentrer à la maison Bah il y a encore 3 semaines hein. Ouais enfin 3 semaines ça passe vite hein. Oui bah 3 semaines sans embrouille tu te fais chier hein. Ouais c'est vrai. Et il y a la voix qui a monté encore un nouveau truc. C'est à dire que tu te demandes vraiment s'ils cherchent pas à faire les pires saloperies. En fait la voix a demandé à Bruno de draguer Cindy. Oui. Et donc en fait pour gagner 2000€ il faut que Cindy l'embrasse. Sauf que la voix Cindy elle embrasse tout. Non pire. C'est... Donc sauf que la voix a demandé à Cindy d'embrasser Bruno et de lui faire croire qu'elle était amoureuse de lui. Quel bâtard cette voix. Quel bâtard. C'est la deuxième fois c'était pareil pour Jonathan. Ouais. Bon encore un truc à ajouter Letty. Sinon, John et Sabrina, maintenant, je crois que c'est officiel. Hein. Ouais. Non, je vois pas pourquoi tu dis ça. Ils sont... En même temps, des gros patins comme ça, voilà, quoi. Ouais, des gros patins, faut le dire vite. C'est quand même super bizarre, cette histoire. Ouais, ça va, quoi. Parce que t'as, donc, au dernier Prime, t'avais donc Daniela et Jonathan. C'est, oh, je t'aime, oh, tu es mon amour. Ils se roulaient des galoches. Daniela et Jonathan, ils sont sortis ensemble une semaine, hein, quand même. Ouais, hein, ils se connaissent pas vraiment. Mais bon, t'avais limite la bave qui coulait de tous les côtés. Non, moi je... Sabrina se fait larguer et hop la semaine suivante bim Jonathan non, t'as oublié un gros détail entre temps Elfassi est venu dans l'émission avec Martin et je pense que dans la maison des secrets pendant le prime ils écoutent la radio. C'est juste que Jonathan est tombé sur les déclarations qu'il y a eu sur cette antenne et que du coup il a pris une décision. C'est encore nous qui avons foutu la merde. Ouais, ouais, désolé. On peut aussi envisager le fait que Jonathan va en finale et que pour gagner il se dit aussi peut-être qu'il a plus de chances contre Sabrina. Peut-être, c'est vrai. C'est pas sûr. Mais c'est possible. Mais sûrement qu'il va y avoir un truc entre Sabrina et Jonathan avant même. Il y avait déjà des histoires entre eux avant, oui. Oui, parce que tu tombes pas amoureux, enfin en tout cas tu te mets pas avec une meuf du jour au lendemain quand elle a largué son mec. Dans Secret Story. Il se tournait autour déjà au début, Daniela, il l'avait envoyé avec une vitre entre elle et Jonathan pour s'expliquer. Du coup, ça s'était un peu calmé. Le mec de Sabrina avait gueulé. Du coup, j'ai vu quand elle se fait larguer en direct, c'est violent. Hein. C'est violent. Et le pire, allez, tu vois, on va reparler de Benjamin Castaldi qui n'assume pas le fait qu'elle soit en pleurs. Devant tout le monde. Donc du coup il dit oui à la fin, il dit oui, il a pas été sympa, le copain de Sabrina, on parle pas comme ça à une femme. Ouais mais mec, c'est vous qui avez choisi qu'elle se fasse larguer en direct. Ils font ça pour bien se faire voir. C'est ça, ouais. Mais c'est là que vous voyez que ça me fait de la peine, parce que va devenir Sandro dans 3 semaines? Qu'est-ce qu'on va regarder, il y aura rien. Sa vie va finir. Il y aura tourné manège. Laetitia, je te fais des gros bisous, tu reviens quand tu veux, d'accord? D'accord, pas de soucis, bisous à toute l'équipe. Mickaël, le podcast. Pour parler cinéma, on accueille maintenant notre Isabelle Giordano, notre Laurent Veil du grand écran. Les Mexicains. Nous sommes deux, alors qu'ils sont qu'un. Bah, dis donc, et ça fait des années qu'on m'avait pas présenté comme ça d'une manière aussi ringarde. Il m'a fallu 30 secondes pour me comprendre que c'est ringard. C'est la première fois que ça t'arrive. Bah oui, je suis pas comme toi, j'ai pas l'habitude de la ringardise, moi. Tu veux dire quoi par là? Rien, à part que ton film préféré, ça doit être Camping, hein. Ah ouais, comment tu sais? Hein, que c'est vrai. Comment tu sais? Parce qu'il était chaud, là, il y a Camping 2 qui va sortir, là, le mec, oh là là. Et après, il y a Camping Car. Ah ouais, enfin bref. Bon, ça dit, vous êtes pas là pour raconter votre vie. Donc je vous accueille pour dire bonjour, hein, pas pour raconter votre life. Ouais. D'accord, c'est clair? Ouais, bon, on le saura. Oui, parce que déjà que vous racontez votre life dans le best-of, j'ai écouté. Hein. Bah non. C'est pas vrai, attends, on raconte votre live de la semaine. C'est ça. Bon, sinon quelqu'un a été au ciné ce week-end? Ouais, moi j'ai vu District 9. Bah il est pas sorti. Ah. La question c'est qui a été au ciné, pas qui a téléchargé la DivX. Moi, si, moi j'étais voir le film des bâtards là. Quoi, les Mexicains ont fait un film? Oh, le petit ciné des Mexicains arrive dans un instant. Je suppose que tu parlais de Inglourious Bastard. Ouais, c'est ça. Et pour le coup, c'est franchement, c'est un super bon film, un super bon Tarantino. Je pense pas t'avoir demandé une critique de film. Savoir si t'avais été au ciné à un moment ou à un autre, non. Bon, donc en ce moment, j'ai l'impression qu'il y a pas vraiment grand chose hein, au ciné. Tu rigoles ou quoi? Oh, je sais pas. Il y a 36 vues du Pic Saint-Loup. Ça au moins, je jure que je vais pas télécharger. Bon, pour vous dire à quel point le cinéma va mal, hein, votre avis, quel film va sortir demain? Bah déjà pour que ça sorte le jeudi, c'est vraiment que personne ne peut aller le voir. Les tontons flingueurs. Oh. Il ressort. Ouais, c'est quoi ça? C'est de l'innovation à la française. Ouais, ouais, c'est ça. Hein. Bah, en gros, c'est ça. Bon, sinon, j'ai aussi lu que ce qui s'était passé là à Venise, au festival de la Mostra. Ah, avec George Clooney. Ouais, en fait, pendant la conférence de presse de son prochain film, un fan de Clooney s'est foutu à poil pour poser sa question. Ouais. Moi, j'aimerais vraiment, sympa, hein, j'aimerais vraiment bien être George Clooney pendant une journée. Ouais. Mais tu ressembles à George, t'inquiète pas, mais juste George. Ouais, à Guy George. Bon allez, passons au petit ciné des Mexicains, un petit ciné à base de Farine et de calcium. C'est un petit ciné à base de cinéma. Oui, bah je m'en doute. Bah oui, bah quoi, on n'allait pas faire un petit ciné à base de fil en plastique? Oh là là, non. De quoi ça se rappelle l'atelier Scooby-Doo. De quoi ça parle? Oh, ah, ça c'est le suspense. On l'avait répété cette phrase. Ça c'est le suspense. Tu vas voir le suspense qu'il va y avoir sur ton compte à la fin du mois. Ça c'est le suspense. Sur ton compte à la fin du mois. Ça c'est le suspense. Fais le malin. Bon allez, avant ce petit ciné des Chicanos, donc écoutons un extrait de film. Si vous trouvez de quel film est extrait ce son, vous nous envoyez un SMS au 612 avec en début de message Amy, la réponse et votre numéro de téléphone en nous donnant bah justement, donc n'oubliez pas de mettre la réponse et puis vous pourrez repartir avec deux places de ciné. Alors attention, mettre la réponse et puis j'ai mis merde putain, ça s'est pas arrêté cette connerie là. Attention, voilà, ça y est, c'est fait. Non, parce que je diffuse avec YouTube. Ah, l'extrait de film. Du coup, c'est parti à fond couille. Voilà. YouTube n'est pas d'accord. Ah, c'est un Charlie. Mais si, mais ferme ta gueule là, il parle. Voilà. Bah, faut le remettre. C'était le film muet de Charlie Chaplin. Bon, je mets plus fort. On aura tout fait. Chut. Ici Performotos. Chut. Monsieur, j'ai fait peur à toute la France. Voilà. Je vois. Moi je vois ça. C'est Jamel Debbouze déjà donc. Non. C'est Louis de Funès. Si si, j'ai entendu la main qui m'en. Bon allez, encore un petit. Encore un petit peu, un peu plus loin. Écoute-moi bien, Motos. Bon, ça va, c'est donné. Ouais, c'est facile. Ah ouais, c'est Astérix, quoi. Non, c'est pas Astérix. Non, Motus. Non. Bon, si vous avez une idée, 612, débutez par Amical et puis vous mettez la réponse et votre numéro de téléphone. Et puis, petit ciné des Mexicains, là, on va y aller. Allons-y. Allez. Salut à tous, ravi de vous retrouver pour un nouveau petit ciné des Mexicains, riche en calcium et en émotion. Et tellement riche en calcium que mes os, c'est du béton. Pourquoi est-ce riche en émotion, me demanderez-vous? Pourquoi est-ce riche en émotion? Eh bien parce que dans cette rubrique, on vous parle d'art. On ne vous prend pas pour des demeurés, hein, même si on n'oublie pas que vous l'êtes un petit peu. Vous en connaissez beaucoup, vous, des radios qui font passer la culture au premier plan? À part France Culture, hein? Bon, alors aujourd'hui, nous allons vous parler d'un grand film au summum de l'art dramatique, Ultimate Game. Alors déjà, il faut savoir que le titre original, c'est Gamer. Alors j'aimerais bien savoir, moi, ce qui est passé par la tête des distributeurs pour se dire « Gamer, c'est trop compliqué, les Français vont pas comprendre, on va appeler ça Ultimate Game ». Alors le mec il est là, il s'appelle Cable, il doit se battre à mort pour sauver sa vie dans un jeu vidéo, et il doit enchaîner 30 victoires pour sortir du jeu. Autant dire que le mec, il va péter un câble, hein. À un moment donné il est là, il met un pied dans l'eau, il met deux pieds dans l'eau, et crac, il lui mord la queue. Bon, Pedro, quand t'auras fini ton one-man show, là, tu penseras parler du film, hein? Ouais, c'est vrai, pardon. Donc, le héros de Ultimate Game, c'est Gérard Butler, hein, celui qui jouait dans 300, et c'est un prisonnier qui est condamné à mort dans un futur proche. Proche comment? Bah, ça y est, on l'a déjà passé, là. Ah, et alors, il devient un personnage humain de jeu vidéo, et il est dirigé par Michael C. Hall, c'est le mec qui joue dans Dexter, et il devient un Slayer. Un Slayer? C'est quoi un Slayer? Eh ben, un Slayer, c'est... Tu vois, c'est un mec qui... Tous les Slayers sont de véritables condamnés à mort. Celui qui reste en vie 30 sessions est libéré. Y'a plus ingrat, comme dit. Attends, t'es gentil, mais c'est à moi qu'il a posé la question, hein. Et puis t'es qui, toi, d'abord? C'est moi. Simon. Le gamer qui te contrôle. Tu parles à qui, Pedro? Bah au mec là, t'as pas entendu? Bah non. Il a dit qu'il s'appelait Simon. Bon, c'est pas grave, continue sur le film. Bon, d'accord. Donc, Slayer, c'est aussi le nom du jeu, hein. Ouais. Un jeu hyper futuriste, genre World of Warcraft, mais en mieux. Parce que je veux pas me mettre toute la guilde des elfes des bois à dos, mais c'est bien pourri quand même, hein, World of Warcraft. Mais attends, je comprends pas. Slayer, c'est quoi? Je viens de te le dire. Slayer, c'est en fait, c'est un Slayer truc... Slayer qui... permet aux joueurs de contrôler un être humain au cours de véritables combats à mort. Putain, mais c'est qui cette pute qui vient de me couper la parole encore là? Pedro, t'es sûr que ça va? Bah oui, j'entends. Moi j'entends rien, je crois que c'est dans ta tête tout ça, dans ta petite mais non, tête. Mais non, non, j'y crois pas. Vous êtes qui? Qu'est-ce que vous me voulez? Je décide, tu exécutes. T'es à moi, mon grand. Qu'est-ce que tu fais, Pedro? Descends de là tout de suite! Descends cette jette! Je veux pas, Apollo! Je contrôle plus ce que je fais! Pedro, arrête de pisser par la fenêtre, tu vas toucher des gens! Je te jure, c'est Simon qui me guide! Je peux rien faire! Je sais pas, fais quelque chose! Parle-lui, dis-lui d'arrêter parce que c'est grave! Je t'en supplie! Arrête! Laisse-moi tranquille! Je n'ai rien fait, en plus je suis tout petit et tout frêle! Tu gagneras aucune partie avec moi, prends plutôt Apollo! Arrête de te frotter sur moi! Lâche ma jambe! Lâche ma jambe! Lâche ma jambe! Aïe, enculé! Pourquoi tu m'as mordu? J'en sais rien, Apollo! Pardon! Je sens que je suis attiré loin d'ici! Antenne dans 3, 2, 1... Pedro, tu vas? Apollo, retiens-moi! Pedro, reviens! Apollo! Simon me fait rentrer dans son jeu, Pedro! Game over. Hey. Ah, et oui, ça fait mal. Coup, voilà. C'est... Vous avez perdu. Polo, t'es pas revenu avec Pedro? Si, si, ça y est, je suis revenu. Game over, c'est bon, je suis revenu. T'es arrivé quoi, mec? Bah, je sais pas, j'étais contrôlé, je contrôlais plus mes membres. Non, c'est toi qui avais juste mis la main dans ton cul, en fait. Moi, j'avais une autre idée, c'est Pedro qui avait passé trop de temps hier soir avec Laurent. Je sais pas. C'est guignol, c'est guignol. On va peut-être pouvoir t'apercevoir dans le film, dis-moi. Peut-être. Vous avez monté un level là? Non, non. À la deuxième scène, une espèce de merde par terre, bah c'est Pedro. Je meurs au premier tableau. Bon, dans quel jeu vidéo, mexicain, oui. Dans quel jeu vidéo vous auriez voulu aller? Tomb Raider. Mario Bros 1. PES. Ah, mais les Sims, tu te fais chier, c'est ta vie de tous les jours. Oui, bah, moi, très bien pour Pedro. Dans Tetris, j'aime bien que les choses soient bien rangées. Et bien t'imbriquer aussi. Mario Bros. Ouais, non. Ouais, PES, ouais, c'est tough. Là, ouais, ça fait la Mario Bros, ils peuvent y aller à deux en plus. Ouais, c'est clair. Ouais. Bon, donc, petit ciné des Mexicains que vous retrouverez sur le site, sur mikael.fm et peut-être dimanche dans le best-of. Sûrement. Ouais, on verra, hein, c'est pas gagné, c'est encore. Hein. Bon, oh, il faut encore que ce soit un moment préféré d'un des membres de l'équipe. Avant ça, il y a Tristan qui est là. Salut Tristan. Bonsoir Mikael. Comment bonsoir, ça va? Salut, ça va. Salut. Ça va, toi? Bon, merci alors. Richard. Tristan, quelle est l'adresse? Quel est le nom du film, l'extrait qu'on a mis juste avant le petit ciné mexicain? C'est le boulet avec Benoît Poulvord et Lanvin, Garcia. Et je dedans, Jamel Debbouze. Bah oui, tu l'as dit tout à l'heure. Il fait le maton. Oui, bah je suis étonné que Jamel Debbouze joue dans le boulet. Ouais, voilà, ouais. Il fait le maton à la fin. Bon, bah c'est gagné, Tristan, on va te filer des cadeaux, je te renvoie chez Michel au standard, ok? Merci beaucoup. Salut à toi, à bientôt. Au revoir. Mikael, le podcast. Bon, donc l'info qu'on avait trouvée, c'est Evangélie, donc qui se lancerait prochainement dans un One Woman Show. Pourquoi pas? Ben voilà, elle a décidé de monter sur scène, donc One Woman Show intitulé Drôle malgré moi. Bah, elle l'avait déjà fait pour une émission de Ruquier. Ah ouais? Ouais, une émission de Ruquier qui était passée, je crois, sur France 2. Ouais. Et en fait, c'était des personnalités qui faisaient un petit bout de One Man Show. D'accord. Et ça devait être une de celles qui s'était mieux démerdée. Hein. D'accord. Bon, écoute, alors donc Michel, donc son mari, a dit ce sera un mélange fantaisiste d'événements fictifs et de choses qui lui sont vraiment arrivées dans sa vie. Donc à mon avis, je crois qu'on peut se marrer parce qu'il lui arrivait pas mal de choses quand même dans sa vie. Hein. Il faut savoir que la proportion, c'est 5% de fictif et 95% de réel. Hein. Bon, allez, on l'appelle. À mon avis, on va tomber sur Michel, comme d'habitude. Ah, il y a des chances, ouais. Ah, c'est le patron. Ouais. C'est, vous avez un firewall sur votre ordinateur, bah, et bah un firewall aussi. C'est Michel. Attends, il doit être devant le foot, on va les déranger. Ah, Eve. Oui. Eve, c'est Michel. T'es en direct à la radio sur Énergie, ça va bien? Oui, très bien, ça va bon. Bien. Ben ça va bien, ouais. Alors on a entendu dire que t'allais faire un One Woman Show. Exactement, mais tu es déjà au courant. Mais oui, tu sais, nous avons le bras long. Très très long, effectivement. Ouais. Bon alors, comment ça se passe le One Woman Show? Alors déjà, tu nous confirmes, donc c'est bien. Exactement. Bah, en fait, je suis en plein dans les répétitions tranquillement chez moi. Donc, pour l'instant, c'est intime. Mais c'est concret, puisque en février, je serai déjà sur les planches à Marignane. Ah, il est déjà écrit le truc et tout? Alors, j'en connais 5 par cœur. Et les autres, je les lis encore. En fait, en tout, il y en aura 8, mais c'est des sketchs très très longs, puisque c'est censé faire une histoire qui se déroule sur 1h15. Donc, ouais. Ah, sur 1h15? 1h15, ouais. Et t'arrives, personnellement, j'y arriverai pas. T'arriveras à tout retenir? Oui, bah les 5, il m'en manque que 3 en fait. Ah oui, enfin quand même. Ça fait 40 minutes déjà en fait. Je connais 40 minutes par cœur. C'est Michel qui a écrit? En fait, c'est une coécriture. Alors, ça veut pas dire que je l'ai écrit avec Coé, je te rassure. Ouais, parce que sinon, ça ferait beaucoup en dessous de la ceinture. Hein. Eh ouais, mais attention, si les vannes sont comme ça dans le spectacle, on peut se marrer. Hein. Ah ouais. La coécriture. Là, c'est bon, vous avez déjà rigolé, j'ai marqué un point. Ouais, c'est pas mal, bravo. C'est pas mal, allez, encore 2 comme ça, on dirait qu'on incitera les gens à aller le voir. Ah, c'est cool. Et bon. Donc, par contre, ce qui est sûr, c'est que je l'ai donc coécrit avec plusieurs personnes. Bien sûr, pour leur propre respect, je ne citerai pas encore. Tu peux nous dire qui est Laurent Ruquier? Bah disons, je ne veux pas engager d'image, bien évidemment, parce que engager sur un truc qu'on connaît pas encore. Mais ce qui est sûr, c'est que, si tu les connais, parce que tu sais qui a écrit, ils l'ont déjà écrit. Ouais, mais bon, je préfère les. Plus que suspense, d'accord. Mise en scène, Michel. La mise en scène, voilà, Michel, et ce sera certainement une deuxième Michel. À qui j'ai vraiment envie de demander de valider la mise en scène. C'est elle est cool, Michel Bernier. Ouais, elle est sympa. Elle est adorable, c'est vraiment. Allez. Bon, allez, bon, qui est-ce qui nous. Il nous en manque combien là sur toute ton équipe? Il y a Michel Bernier donc qui va mettre en scène. Michel, le tien. Il avait fait déjà écrit. Dans l'émission que tu avais faite, parce qu'on t'avait déjà vu, il en parlait tout à l'heure, ou sur les planches à la télé. Oui, exactement, c'était Laurent Ruquier qui présentait, et donc ça s'appelait Star et Comédie. Et il y avait notamment Anne Romanoff qui m'avait un peu motivée en disant que j'étais rigolote naturellement. C'est pour ça que je l'appelais drôle malgré moi, quelque part. C'est pour dire... Ça, c'est le nom du spectacle? Ouais. Le spectacle, voilà, le One Woman, ça s'appelle drôle malgré moi. Ouais. D'accord. Okay. Michel Bernier, Anne Romanoff, Laurent Ruquier, il nous manque qui? Roux. Ah oui, mais je veux bien écrire hein, pour toi. Là, c'était les gens sur l'émission, mais après, enfin, je me débrouille comme une grande, entre guillemets, mais... Non, mais ça va bien se passer. Mais comme Eve, donc, t'es surtout connue pour tes évangélismes, voilà, ah, c'est ça. Difficile à dire. Ben, je sais, ouais. Donc, en fait, on a essayé d'imaginer ce que ça pouvait donner sur scène. Donc, écoute, et tu nous donneras ton avis après. Ok, je vais... Bonsoir, c'est Eve. Ça va? Moi, je suis contente d'être là ce soir avec vous pour mon premier spectacle solo. Tout ça, je le dois à Michel, que j'aime depuis longtemps déjà. Attends, je le connais depuis longtemps, Michel. Je l'ai connu qu'il était même pas né. Moi, je suis contente d'être là parmi vous. Et en plus, je sors juste de chez le coiffeur et je me suis fait une teinture. Alors, quand Michel il m'a vu, il m'a dit « Tu es entre brun et blond, donc tu es brun !» Donc voilà, je suis là et je débarque comme un nouveau-né. Tiens, d'ailleurs, en parlant de barque, une fois j'étais sur une barque et c'était trop marrant. Tellement c'était transparent, on aurait dit qu'elle flottait. C'est bien de rire. Moi j'aime bien rire, faut en profiter tant qu'on est encore vivant. Moi par exemple, j'ai une amie qui est décédée, mais c'était pas de son plein gré. C'est moi qui l'ai tuée. Un jour elle m'a dit tu es grosse, mais comme tu es grosse de partout. Grosse tête, grosse fesse, gros ventre, du coup on croit que t'es mince. Alors je l'ai mal pris. Bon, j'ai faim, moi. Ah, je sais, je vais aller me brosser les dents, au moins ça m'empêchera de manger. Allez, salut, merci. Voilà, donc bien évidemment, toutes ces phrases tirées de ton livre. Hein. Voilà, en fait, c'est toutes les âneries que j'ai pu pondre. Jusqu'à le dire, je les ai pondues dans la ferme, forcément, c'est le meilleur endroit pour pondre. Ouais, ah bah ça c'est clair, effectivement. Encore un jeu de mots. Oh là, ah, bravo. Au taquet, Laurent Ruquier est sorti de ce corps. Bon, donc ça, Ça, ça c'est va... pour ça que je me rends compte que c'est utile de prendre des gens qui vont m'aider quand même, parce que mis bout à bout, ça fait un peu... Oui, l'un derrière l'autre peut-être, effectivement. Mais tu vas jouer sur Paris ou pas? Alors justement, je veux pas mettre la charrue avant les bœufs, n'est-il pas, puisque voilà. La ferme. Donc, je vais d'abord me rôder dans le sud, et puis aussi à Lyon. Ouais, puis ça fait moins loin de chez toi, ça t'évitera de te perdre. Exactement, j'aurais pas besoin de GPS pour y aller. Mais, le Festival d'Avignon, c'est vrai qu'en plus, c'est un endroit où on peut faire buzzer sans trop prendre de risques, parce que c'est une petite salle. Mais je serai quand même à Marignane, et là, c'est une grande salle en février, donc j'espère que, vu que c'est dans le sud, les gens vont se mobiliser. Et je serai à Paris quand même, mais dans un an. Donc, d'accord, voilà, parce que si jamais t'as besoin d'une guest, enfin d'une guest, il y a Sandro qui jouait ton rôle dans la prod, donc elle peut venir monter elle sur scène et elle peut faire ta première partie. Voilà, et... Ah ouais, j'ai dit, ah, c'est chouette, ça doit être Sandro, c'est cool, on reconnaît bien sa voix. Ouais, et par contre, alors, elle a le même problème que toi, enfin quoi que ce soit, ça a l'air d'aller, hein, d'après ce que tu nous as dit, elle a du mal à retenir les phrases aussi. Hein. Donc... Ah bon, en tout cas, monter comme ça, c'était parfait. Hein, ah oui, mais elle l'a lu. Hein. Ah, picheuse, moi j'ai tout dans la tête. Hein. Ouais, bon, on va voir. Hein. Alors, j'ai bien aimé au début le bruit d'ailleurs dans ma tête, du style, c'est le vent, il n'y a rien dans sa tête. Ouais. Non, c'était le bruit du public en fait, mais dans le téléphone t'as pas dû bien entendre. Ah oui, après il y avait le téléphone, mais on te l'enverra si tu veux, Eve. Tu pourras la réécouter. Bon, bah écoute, merci Eve, et puis bonne chance. Hein. Ouais, bonne chance. Bah c'est cool, merci à vous d'en avoir déjà parlé, parce que je l'ai annoncé il y a deux jours, donc c'est super cool. Mais nous sommes toujours premiers sur l'actu. Nous sommes à la pointe. Exactement, ouais. Bon, bah quand tu passes sur Paris, bah t'hésites pas, tu viens nous voir. Hein. Bah avec plaisir, comme là en plus vous avez été dans les premiers, je vous ferai des gros bisous. Ah, c'est tout. Tu feras un extrait du spectacle. Exactement, ouais. Ah bah avec plaisir, bien sûr. Bah, très bien. Bon bah très bien. Gros bisous, Eve. Eh ben énorme bisous à tous, et puis à bientôt alors à Paris. Ça marche. Et bonjour, oh. Michel. Ouais, il est plus loin. Salut Eve, ciao. Salut. Ciao, bye bye. Bon bah voilà, donc on en saura plus. Hein. Sandro va pouvoir aller voir le spectacle à Marignane. Ah bah oui, je vais y aller moi. Bah plaisir. Très bien, elle ira avec Pedro. Oh, bon. Si c'est à Marignane, je veux bien y aller. Hein. Ah bon? Ah, dans le sud, ouais. Ah d'accord, okay, ah, t'aimes bon, le sud maintenant. Ah, oui, non, j'aime pas Marseille, mais Marseille c'est autre chose. Ah. Oui, d'accord. Mickaël, le podcast. Puis là on a Carole qui est là maintenant pour le GAV avant de faire péter le son de Muse, qui seront avec nous d'ailleurs en interview lundi soir dès 21h, Paramore tout à l'heure avant minuit, et donc Carole maintenant donc pour le garde à vue, le GAV. Alors Carole, oui. On va donc appeler ta secrétaire personnelle. Ouais. Voilà, avec qui amie aussi, hein, donc voilà. Oui, avec qui t'es copine, c'est ce que j'allais dire, effectivement. Voilà, elle me connaît bien, voilà, quoi, elle sait de quoi je suis capable, et voilà, j'ai inventé une histoire où elle peut croire ce qui peut m'arriver. D'accord, bon, qu'est-ce écoute, alors justement, donc on va se faire passer nous pour des flics, comme quoi tu t'es fait arrêter, mais pourquoi t'es-tu fait arrêter? Alors en fait, j'allais à une soirée déguisée, je m'étais habillée un peu sexy, tu vois. Tu vois ce que je veux dire? Ouais. Ils sont prostituées, quoi. Mais non. Demander à trouver l'appartement parce que je trouvais pas. Donc j'ai demandé à un mec et là vous m'avez arrêté et pensant que j'étais une prostituée. Ah, c'est pas bête, ça. Ok, très bien. Bon, bah parfait. Bah, je crois que dans ce milieu-là, je pense que Toff fera plus. Parce qu'en fait, le truc, c'est qu'il a plus. Il connaît mieux les termes des prostituées. Donc bien sûr. Ce sera plus sûr. Juste pour que je me rende bien compte, hein, parce que c'est pour bien me mettre dans le personnage, combien mesures-tu? 1m70. Combien pèses-tu? 60. Quel est ton tour de poitrine? 95C. Ah oui. Et la taille du dernier pantalon que tu as acheté? 38. Ah oui. On peut travailler pour toi ou pas? Ouais, sans problème. On peut faire secrétaire, hein. Ouais. Tu fais quoi comme métier exactement? Directrice d'une crèche. Ah oui, non. Il y a plein de filles, il y a que des filles. Oui, oui, mais il y a plein de mômes aussi. C'est une option, quoi. Oui, oui, bah c'est une option, ouais. Bon, allez, on va y aller, on y va, on l'appelle, et puis joue la meuf un peu flippée, évidemment, hein, puisque tu es quand même dans une caserne de gros enculés, quand même. Hein, faut et puis surtout, j'ai pensé aussi, c'est que je peux pas, je suis mariée, je peux pas appeler mon mari parce que je lui ai dit que j'allais manger juste avec une copine. Parfait. Donc je suis hyper coincée, quoi. D'accord, voilà. Ok. Mais t'inquiète pas, je vais te décoincer, moi. Bah c'est ça, ouais, super. Bon, on y va, on l'appelle, c'est parti. On est dans quelle ville? Ah merde, on est dans le 95 à Jouy-le-Moutier. C'est quelle caserne pour être précis? Commissariat, ouais. De Conflans. De Conflans 78. Conflans Saint-Honorine. Ouais, c'est ça. Ouais. Très bien, dans le 78. Allez, on y va. Hop, on y va. N'oubliez pas que souvent les policiers sont mutés d'une ville à l'autre, hein, si vous voulez prendre un accent. Bien sûr, je comprends. Oh non. Oh non. Je comprends bien de quoi tu me parles. Fais l'accent de Roberto. L'héritage. Il maîtrise bien le gars du Nord. Italien, Roberto? Non, il est brésilien. Ah, non, allez, oui, allô? Oui, allô, Marie ? Oui. Ouais, c'est Carole. Oui, Carole, qu'est-ce qui t'arrive ? Je suis super, super méga merdée. J'ai eu une emmerde. Je suis au commissariat de Conflans. Non. J'ai été arrêtée. J'étais allée à une soirée déguisée. Tu vas pas me croire. Je m'étais déguisée un peu sexy. Puis j'étais en train de demander où se trouvait la rue à un mec. Et quand les flics sont tombés dessus, et là je suis au commissariat de Conflans. Vous n'allez pas me ramener toutes les meufs qui traînent sur le bord de la route ? J'ai super peur, quoi. J'ai dit à Franck que j'allais manger avec une copine, je me retrouve au commissariat, ils veulent rien savoir, il y en a un qui est bourré, qui me caresse le cul, enfin tu vois, je sais pas quoi, c'est que toi. Tu déconnes ou quoi ? J'ai le téléphone, non. Là, c'est pour moi ou quoi, là ? Pour aujourd'hui ou pour demain ? T'entends derrière ? Je te jure, mais oh. Où est-ce qu'on a mis la bouteille à l'eau ? Mais t'es où ? Marie, je suis à Conflans, à côté de la crèche. Mais je sais plus quoi faire. S'il te plaît, Franck, il est où ? Je peux pas appeler Franck, je suis coincée, ils veulent me garder 24 heures, je sais pas quoi faire. Oui, non mais c'est pas possible. Mais si, je te jure, Marie. Et t'allais où ? J'allais dans une soirée chez des amis à Conflans, tu vois, tranquille et tout, puis comme une conne. Et puis ils veulent pas me croire, quoi, je leur dis que je suis... vous allez peut-être pas passer votre soirée au téléphone non plus, hein ? Non mais attends, ils délirent ou quoi eux ? Il s'agirait de pas monopoliser la ligne toute la soirée. Mais tu vois, ils veulent même pas m'écouter, je leur ai demandé juste un coup de fil, ils veulent même pas. Je vais venir, Carole, t'embête pas, je sais pas moi, qu'est-ce que tu veux, que je vienne te chercher, ils vont te lâcher. Je sais pas, parce que là ils me disent qu'il y aurait... Allez madame, c'est terminé là maintenant, vous rangez le téléphone, là on va passer la nuit hein. Vous me parlez sur un autre ton, s'il vous plaît, déjà. Bon, madame, vous avez terminé ? Bon, non, vous pas du tout. Qui est au téléphone que j'entends crier dans le fond, là ? Non, mais dites donc. Passez-moi Carole, s'il vous plaît. Allô, Carole ? Oui. Bon, oui. Qui est au téléphone Marie, que j'entends crier dans le fond, là ? Marie, il me dit qu'il n'y a que mon mari qui peut me faire sortir, mais Franck, si je lui dis, il va me tuer. Ah, comment ça ? Madame Carole, qui vous a dit qu'il n'y avait que votre mari qui pouvait vous faire sortir ? Bah, il y a un de vos collègues qui m'a dit ça tout à l'heure. Ah, il a dû se tromper, hein. Bon, bah, je peux venir la chercher, moi. Il a dû se tromper. Attendez, je vous repasse Oh, Roger ! Ouais ? Qui c'est qui a dit qu'il y avait que le mari qui pouvait la faire sortir ? Oh, bah, c'était moi. J'ai essayé de lui proposer des choses, mais elle voulait pas. Bon, écoutez... Non, bah, attendez, je vous m'occupe de la petite, occupez-vous de la personne au téléphone. Pas de problème, je la prends. Allô ? Oui, bonjour. Oui, bonjour. Comment vous vous appelez ? Marie-Claude Trigent. Votre profession ? Secrétariat. Bon, très bien. Qui vous êtes, vous, d'abord ? Je suis l'adjudant-chef, madame. L'adjudant-chef d'où ? Comment ça, l'adjudant-chef d'où ? De Conflans, madame, elle vous l'a dit tout à l'heure, j'écoutais, hein, oui, faut mais... pas me prendre pour en demeurer. Hein. Avec l'accent que vous avez, on sait pas. Madame, vous me manquez de respect, je crois. Hein, je ne pense pas que je vais pouvoir tolérer ce petit manque d'insubordination vers la fonction publique que je représente bien longtemps. Bon. Oui, bah... Alors, ça, quel est votre lien de parenté avec la personne en garde à vue, je vous prie ? C'est une amie proche. C'est une amie proche, pas de lien de parenté direct. Oh, j'ai le téléphone ! Non. Attends, bon, très bien. Est-ce que vous êtes prêt à faire des concessions pour qu'elle puisse sortir avant la fin de sa garde à vue de 24 heures ? Ça dépend des concessions que vous faites. Comment ça dépend des concessions que je vous fais ? C'est vous qui allez me faire des concessions, madame. Je veux bien faire des concessions, mais j'aimerais bien savoir lesquelles. Écoutez, d'habitude... S'il faut que je vienne la chercher, je viens la chercher de suite. Très bien, mais est-ce que vous pouvez venir la chercher avec le chéquier ? Et pourquoi j'aurais besoin d'un chéquier ? Pour l'amende, madame. Racolage sur la voie publique. Racolage ? Oui, racolage. Vous rigolez ou quoi ? Ah, vous avez pas vu comment elle était habillée, hein, la cochonne ? Ah oui, mon adjudant, je l'ai vu, elle avait la veste bien ouverte. Non, mais dites-donc, déjà, vous la traitez pas de cochonne. Je l'ai vu de mes yeux, hein. Écoutez, madame, une prostituée, ça reste une prostituée, hein. Alors bon, vous venez la chercher ou pas ? Ce n'était pas une prostituée, déjà, d'une. Ah bon ? Et qu'est-ce que c'était, non, alors ? Non, elle est déguisée. Elle est déguisée en pute, c'est ça ? Bah, ça peut arriver, c'est hein, tous les arguments que ça. Vous avez, hein, bah. Oh, j'ai le téléphone. Bon, vas-y, décroche là. J'arrive. Vous arrivez, c'est une bonne chose, mais prenez le chéquier d'abord. Oh, l'adjudant. Oui, qu'est-ce qui se passe ? J'ai discuté avec la petite. Apparemment, il n'y a pas de problème. Elle est d'accord. C'est pas la peine de faire venir l'autre. Hein. Elle est d'accord. Elle est d'accord de nous faire ce qu'on avait prévu. Hein. Ah bon, elle, de qui vous parlez? De votre charmante amie prostituée qui est prête à faire une petite gâterie. Elle fait la complète gratuitement et on la ramène à la maison. Non madame. Non mais attendez, vous voulez que j'aille voir plus haut le préfet ou quoi? Vous voulez aller voir? Non mais attendez, vous rigolez ou quoi? Vous voulez aller voir plus haut, c'est-à-dire madame, parce que si vous voulez, on peut se voir ce soir. Je viens avec les gyrophares, je passe vous prendre. Hein. On va mettre la sirène. Hein. Alors, non mais oh, mais avec l'argent public, vous jouez aussi. Comment ça, on joue avec l'argent public? Non mais attendez, moi, vous prenez pas votre avec voiture pour aller. Que j'ai envie de jouer ce soir, hein. C'est plutôt avec le vôtre. Hein. Ouais. Eh ben voyons, bah, vous voulez que j'enregistre la conversation peut-être? Si vous enregistrez déjà la conversation. Voilà, et si vous voulez, on vous la repassera plus tard. Bon. Ah bah j'aimerais bien, oui. Soit avec nos nerfs là madame, soit on trouve une solution, soit elle restera jusque demain, c'est aussi simple que ça. Voilà, c'est aussi simple que ça, alors voilà, on avait réussi à s'arranger avec elle, mais vous m'avez énervé, donc maintenant vous allez venir aussi. Eh ben écoutez, pas de problème, je viens et puis je vais demander à monsieur le maire aussi de venir parce que je le connais aussi, monsieur le maire de Montplan. Je vais amener le préfet aussi si vous voulez. Qu'est-ce que vous racontez? Allô? Vous voulez que j'amène le préfet aussi peut-être? Ouais, vous savez, plus on est de fous, plus on rit dans la police, hein, madame. Il nous reste du Ricard, il n'y a pas de problème. Oui, bah, hein. Oh, voyons, passez-moi Carole, parce que si ça continue Voilà, du don, là, elle est chaude, là, je vous propose de raccrocher, on rappellera après, parce qu'elle a l'air bouillante. Non, mais bon, pas de problème, je m'en occupe, je passe premier. Madame Marie, je vous laisse, je vous rappelle tout à l'heure. Hein, je vais m'occuper de la Carole. Elle a le feu. Hop, terminé, c'est parfait. Hop là, Carole. Oui. On la rappelle après la pub. Ouais, elle va être chaude, bouillante, hein. Ah ouais, là, bon. J'ai piqué mon rôle de téléphone par une machine. Oui, c'est dramatique. C'est l'évolution, hein. C'est horrible. Michael, le podcast. Carole. Oui. Eh, tu la rappelles, tu dis voilà, c'est bon, je vais pouvoir sortir, tu peux passer me chercher. Là, elle va dire mais qu'est-ce que t'as fait? Tu dis que tu, je sais pas moi, tu nous as fait une pipe, j'en sais rien, n'importe quoi. Et puis pour voir comment elle va réagir. J'espère qu'elle est pas déjà au comico, quoi. Ouais. Bah écoute, on y va direct, d'accord? Ouais. D'accord, allez, c'est parti. Par contre, t'as un téléphone pas. Ah, ouais. Et plus qu'une minute de jeu. 50 secondes. Un but peut se passer. Hein. Oui, allô. Hey, Marie. Carole. Oui. Bon, et ben écoute, j'y suis passée, hein. J'ai fait ce qu'il fallait et je suis sortie, tu peux venir me chercher. Oui, parce que il n'y a pas de problème. Ouais. Mais je viens sans checker, hein, parce que j'ai fait ce qu'il fallait, je t'ai dit. Il m'a coincé dans un coin et puis voilà, donc c'était ça où tu payais. Donc j'ai dit, bah non, mon mari, voilà quoi. Tu plaisantes ou quoi, t'as pas fait ça? Bah qu'est-ce que tu veux que je fasse, Marie? Il va te faire payer. Non mais attends, moi je vais... Ça reste entre nous, pas vraiment, parce que là, j'ai honte de moi, je suis pas bien, mais je pouvais pas... Je vais venir, mais je vais demander leur matricule et tout, et on va aller voir, moi je vais faire... Oh, elle peut quand même venir avec le chéquier, hein. Bah bien sûr. Ou si elle peut venir dans la même tenue que sa copine, moi ça me va, hein. Ouais, mais donnez-moi votre numéro de matricule, adjudant chef, je ne sais quoi, là. Moi je vais faire pas... Je vais vérifier tout ça d'abord. Donnez-moi votre matricule. Bah, je vous donne mon matricule en échange de... Une petite gâterie, quoi, ou d'un chèque. En échange de rien. En échange de rien. Je veux votre matricule. Bah, moi, je veux un chèque. Madame, de nos jours, on n'a plus rien sans rien. Eh bah, vous avez bien raison. Je vais vous amener un petit croissant. Allez, donnez-moi votre matricule. C'est vrai, vous m'amenez les croissants demain matin? C'est ça, mais donnez-moi votre matricule tout de suite. Par contre, je finis à 6h, là, hein. Oui, c'est pas grave. Donnez-moi je vous attends avec les croissants, hein. Donnez-moi votre matricule et on ira en Formule 1 à côté, vous verrez, mais c'est Marie, très confortable. Mais Marie, c'est pas grave, vas-y, ne te mets pas dans la merde, toi aussi. Carole, on peut s'appeler Carole maintenant, après ce qu'on a vécu. Elle a l'air un peu chiante, votre copine, je sais pas pourquoi vous l'avez appelée, hein. Non mais, oh, donnez-moi votre matricule et tout de suite. Bah, je vous le vends contre un chèque. C'est ça, bah, je vous le vends un chèque. Mais Marie, je te dis, ils sont complètement bourrés, laisse-les, je te jure. Comment ça, on est bourrés? On est pas bourrés, on a vu que 3 pastis. Donne-moi, tu vois l'orthographe de son nom Non, ils ont rien du tout, ils ont rien sur eux, quoi. Enfin, ils ont rien que leur uniforme, il n'y a rien qui dit, quoi. Non, mais c'est pas grave, Marie, viens me chercher, c'est bon, là. Ils me laissent sortir, donc on va pas aggraver. Je veux partir, je veux me doucher chez toi, je veux rentrer après. Bon, Carole. Oui, bon. Vous m'avez pas répondu, là. Elle a l'air chiante, là, pourquoi vous l'avez appelée? Parce que c'est moi super amie que voilà, elle va me sortir. Non mais de là, quoi. Carole, je viens te chercher, t'inquiète pas, je viens te chercher. De toute façon, mon mari il appelle sur une autre ligne et il va appeler quelqu'un d'autre et puis je viens te chercher. Ah bah ça va la famille, hein, ça va tranquille, hein, y a de l'argent chez eux, hein, 2 lignes. Même plus. Oh là là, dis donc, hein, vous êtes... 2 lignes, c'est-à-dire, y a de la drogue? Bah venez voir. Monsieur le préfet, il sera content de vous venir, de vous voir justement. Oh, et ça va, et le préfet, c'est ce que j'en fais moi du préfet. C'est qui le préfet à votre avis? C'est comme... pas votre supérieur hiérarchique? Et alors, vous savez qu'aujourd'hui il est supérieur, hein. Ah bah oui. Hein. Vous savez ce que j'en fais moi du préfet? Dites parce que j'enregistre votre conversation. On fait comme ça. Exactement. Comme ouais. Moi je lui fais comme ça. Voilà. Mais c'est bon, c'est bon. Je veux partir là. Ok, bon. Carole, j'arrive. De toute façon, ça... Bon, MC. Ouais. Bon, MC, reste calme un peu. Tu me parles, tu sais pas qui tu parles ou quoi? Ah bah, je parle comme vous parlez à ma collègue. Comment? Je parle comme vous parlez à ma collègue. Ah bah, et donc, vous lui manquez de respect à votre collègue, hein. Surtout que, si j'ai bien compris, c'est votre patronne. C'est ma supérieure hiérarchie. Exactement, donc il faudrait peut-être lui parler autrement. Faut tout vous apprendre, c'est incroyable. C'est peut-être à vous de parler autrement aux gens. C'est quand même surréaliste, ça. Bien sûr. Bon, Marie-Claude. Oui. C'est Mickaël, tu es en direct à la radio sur Énergie. Bye bye. Excuse-moi. Bon, j'avoue, pour le coup, on aurait préféré une petite pipe, hein. Bon, après. Non, mais... Je suis désolée, Marie. C'est pas possible, hein. C'est une blague. Déconne, quoi. Je suis dans ma maison tranquillement. C'est vrai? Mais oui. Bon, on fait une partout dans sa maison, moi, mais... Mon mari, il est en train d'appeler à côté, hein. Non. Mais non, c'était une blague, Marie. Non, mais c'est vrai. Mais oui, il y a la radio. Et voilà. Ce qui est bien, c'est comme Carole est sa supérieure, elle peut pas se mêler. Tu vois, mais t'es complètement conne de me faire ça. C'est ça qui est bien. Bon, Marie-Claude. Ah non, j'oserais pas lui dire ça quand même. Bah ouais. Justement, c'est pour mais ça que je c'était dans le coup. Fort, hein. Voilà, c'est ça. Bon, Marie-Claude, ça va, ouais. C'était pour rire. Mais bon, ça va, on n'a pas été trop mauvais si tu as cru, hein. Non, mais franchement, vous êtes pas bien là. Bah si, nous, on va bien là. Tu dois être un peu plus sous les nerfs que nous. J'étais en train de demander à mon mari d'appeler. Hein. Non, on a bien compris. Non, mais ça va bien se passer. Bon, Carole et Marie-Claude, vous voyez demain? Oui, bah oui. Ils vont se jeter les gosses à la gueule. Ah, ça va, non. Je vais lui faire un gros bisou demain matin, encore plus fort que d'habitude. Bon, bah très bien. Bon, je vous fais des gros bisous toutes les deux. Ouais, nous aussi. Et on vous file des cadeaux, bien évidemment. Je vous repasse Micha immédiatement, qui a eu que des filles au standard. Il va être comme à ouf. Il est content. Oh là là là là là là. Ouais, gros bisous, les filles. Carole, je te retiens. Hein. Demain, tu me payes le café et les croissants. Hein. Oh, bah ça va, si c'est que ça. Ouais. Si c'est que ça, ça va. L'investissement valait le coup, ouais. Bon, gros bisous, les filles. Bisous, ciao. Allez, à bientôt. Ciao à vous. Mickaël, le podcast. 3h02, on va démarrer direct maintenant donc avec le mail, et on passe avec directement la grippe A, hein, forcément. On fait un petit bilan du 9 septembre. Donc le ministère de l'Éducation nationale a annoncé que 2 écoles étaient fermées en France pour cause de grippe A, ainsi que 7 classes dans d'autres établissements. Eh oui, mais c'est bien sûr, la grippe A ne sera en fait qu'une manigance du ministère de l'Éducation nationale pour pouvoir fermer des classes et réduire les effectifs. Bien sûr. Bon, on reste dans l'Éducation nationale pour dénoncer le projet de fermeture d'une des 3 classes de l'école primaire d'un village de l'Ariège. Des parents d'élèves séquestrent dans leur école 3 institutrices depuis mardi soir. Les otages iraient bien. Et oui, la réaction de l'académie ne s'est pas fait attendre. Si les parents ne relâchent pas les institutrices, on leur envoie le GIGA, groupement d'intervention de la grippe A. Et là, on ferme carrément l'école. Voilà. Allez, lifestyle maintenant en Angleterre. Plusieurs couples de pompiers et de policiers ont choisi de se marier aujourd'hui, le 9 septembre 2009, soit le 999. Et pour quelle raison? Eh ben parce qu'il s'agit du numéro des urgences. Ah, putain, alors ça veut dire que si on fait ça en France... Ouais. Les couples de flics, ils vont se marier le 1er juillet, alors pour le 17. Hein. Et les pompiers le 1er août pour le 18. Hein. Et tu oublies le 15. Hein. Il faudra que les infirmières se marient le 1er mai, jour de la fête du travail. Bien sûr. Comme ça, après leur mariage, elles pourront manifester pépère. Ça devrait leur convenir. Je pense, oui, effectivement. Ouais. Alors là où ça se complique, votre délire, c'est pour les employés du 118-218. Pour pouvoir se marier, il y a juste un créneau entre janvier 2018 et février 2018. En gros, c'est ça. Bon, code de la route maintenant. Mardi vers 19h30 sur l'autoroute A7, une voiture de luxe, grosse BMW X5, a été contrôlée à 215 km/h par les gendarmes. À savoir que cette même voiture avait déjà été flashée à 202 km/h quelques kilomètres auparavant. Ça fait plaisir d'avoir des nouvelles de Jérôme Breton. Allez, photo toujours, un motard a été flashé à plus de 150 km/h en plein Paris au lieu de 50, hein, forcément les 50 km/h réglementaires. Le conducteur conduisait sous l'emprise de cannabis. Mais il n'a pas de scooter d'Ogynéco. Allez, athlétisme, Caster Semenya, vous vous souvenez, c'est la sud-africaine, la championne du monde du 800 mètres. prêtre à Berlin qui était suspecté d'être hermaphrodite, eh ben, elle a déclaré prendre toute cette affaire comme une plaisanterie. Franchement, elle a des couilles. C'est nul. Allez, football et cocaïne pour terminer. Adrian Mutu, donc l'attaquant roumain qui doit 17 millions d'euros à Chelsea pour rupture de contrat, propose de faire un don à une œuvre caritative pour effacer l'ardoise. Oh, il devrait pas se prendre la tête, hein. Pour effacer l'ardoise, il a qu'à la sniffer. Allez, passons maintenant au con du jour. Alors, je sais que vous l'attendez tous avec impatience et ça se passe aux États-Unis et plus précisément en Floride, c'est ça, Roux? Ah, exactement, c'est Benjamin Durer, qui a été emprisonné et condamné à payer une amende de 700 euros. Et il a fait quoi pour mériter ça? Il a tué un mec? Non. Il a cambriolé une boulangerie? En fait, Benjamin a été inculpé parce qu'il a appelé le 911 deux fois de suite. 911. Rappelons que le 911, c'est le numéro d'urgence aux États-Unis. Ouais, bah c'est fait pour ça, normalement. Si t'as un problème, t'appelles le 911. Et donc, justement, si les flics aux États-Unis doivent se marier le 11 septembre. Oui. Justement, lui, il avait aucun problème, ce Benjamin Durer. Il en a au moins un problème. Il doit être psychologique, le sien. Non, le mec était complètement normal. C'est quoi, alors? Il a appelé les flics pour se marier? Pas du tout. En fait, il a appelé les flics une première fois. Ils l'ont trouvé, assis sur un trottoir, et il a proposé aux flics de se balader avec eux. Alors, voyant qu'il n'y avait aucun problème, finalement, les flics l'ont laissé partir, quoi. Et après, il les a menacés. Non, en fait, il les a rappelés une seconde fois, et là, ils ont décidé de l'enfermer. C'était leur mère ou quoi? Mais il s'est mis dans la merde tout seul, quand même. Ah oui, mais s'il avait rien à se reprocher et qu'il avait aucun problème, je comprends pas, il est complètement con. Non, il est pas bête, il est juste con, quoi, c'est le con du jour. D'accord. Ouais, en fait, il avait appelé les flics deux fois de suite, uniquement pour leur dire qu'il avait faim. C'est ce qu'on peut appeler effectivement un beau con. Il est con, hein, je crois qu'on on peut le dire, il est con. Je pense que tout est dit, effectivement. Bon, passons maintenant au petit truc écolo du jour. Et oui, soyons écolo, oui, mais soyons quand même rigolo. C'est le petit truc écolo du jour. Ouais, voilà. On a mis tout l'oseille de cette saison dans le jingle, hein. Ouais. Je tiens à vous le rappeler. Bon, aujourd'hui, comment arrêter de polluer notre planète avec des produits de beauté chimique? Ne plus utiliser de produits d'hygiène comme moi. Mais non, avec des produits de beauté naturelle. Exactement. Donc aujourd'hui, comment fabriquer son gel coiffant soi-même? Alors, prenez de la gélatine alimentaire, du sucre, du miel, du blanc d'œuf, faire fondre la gélatine alimentaire avec un petit peu d'eau, l'ajouter au mélange sucré, bien sûr, miel, blanc d'œuf, hein, un seul suffit, vous emmerdez pas. Vous pouvez retravailler les ingrédients à volonté pour arriver au résultat qui vous convient. Et donc le gel coiffant doit se présenter sous forme liquide. Oh là là. Et il en suffit de très peu pour être bien coiffé. C'est écologique et économique. Ouais, sinon pour faire encore plus économique et plus écologique, hein, après une bonne masturbation, au lieu de gaspiller la semence dans un mouchoir, pensez à faire comme Cameron Diaz dans Marie à tout prix, utilisez-la comme gel. Oh, c'est dégueulasse. Ou sinon, vous pouvez faire aussi comme les Russes au niveau de... Ça, c'est anti-écologique. C'est ils ont décidé qu'ils en avaient marre, ça coûtait cher de passer le balai. Non, pas le balai. Tu sais, quand il neige, les chasse-neige. Les pelleteuses. Ouais, ça coûte trop cher, donc ils vont balancer des produits chimiques dans le ciel avec des avions pour dégager les nuages. Ah, c'est beaucoup plus pratique. Voilà, c'est tellement mieux pour la planète. Bon, allez, les petites questions du jour là. Qui a dit ma main reste tendue vers Obama et son peuple? Qui a dit ma main reste tendue? J'aurais bien une idée, mais j'ai pas envie d'avoir de problème avec le CSA. Non, Ben Laden. Un indice en bas de votre radio. Attends, ouais. Vénézie, celui-là. Lula. Non. Venezuela, je pense que c'est. Ah, ça. Vanessa. Le... Non, je sais pas. Ma main restera. Bah, le. Ah, Castro. Bah, son chien? Non, Castro, c'est Cuba. Oui. Son chien? J'ai pas dit le contraire. Ah bon? Non, pas Castro. Non, son chien, il aurait tendu la patte. Hugo Chavez. Ah oui, donc le président du Venezuela. Le président du Venezuela qui appelle les États-Unis à mettre en place un grand plan Marshall en faveur de l'Amérique latine. Bon, moi, deuxième question. Comment j'y ai pas pensé? Mais c'est ça. Oui, vraiment, qui est stupide. Qui a dit les coachs, ce n'est pas mon truc? Ah, Thierry Henry. Non. Laure Manoudou. Non plus. Richard Berry. Non plus. Petit indice Gasquet, en bas de votre radio, il faut chercher du côté du cinéma. Bah si c'est pas c'est l'autre, Vincent c'est. Cassel. Non, Richard Berry. Ah Patrick Timsit. Non. Non, qui était dans les Robins des Bois. Jean-Paul Roux. Jean-Paul Roux, bonne réponse de Monsieur Roux. Encore c'est moi qui ai donné toute la réponse, je revenais pas sur son nom. C'est ça ouais. Bon, qui a dit avec mon frère on a besoin de tout partager ensemble? Liam Gallagher. Vanessa. Non. Avec mon frère. Igor et Grishka Bogdanov. Ah ouais, pas bête. Allez, un indice en bas de votre radio. Cherchez pas, vous trouverez pas. je sais pas, des frères jumeaux. Les frères Mitterrand. Non, c'est Nicolas Karabatic. C'est le Zizou du handball, français qui a fait son grand retour en France ce soir avec son nouveau club de Montpellier dans lequel joue son petit frère Lucas. Voilà. Lucas Karabatic. Lucas Karabatic, ouais, effectivement. Oui, c'est dommage, effectivement. Bon, enfin, il n'a pas choisi. Il est très très bon handballeur, ça veut dire. Bon, retour du Mac du jour, un autre jour, en l'occurrence demain vers 23h. Voilà. Mickaël, le podcast. Et ce soir, on reçoit donc Paramore, qui est le groupe que je suis le premier à avoir passé en France, hein, et pour leur album justement Brand New Eyes, qui sortira le 29 septembre, et le premier single extrait de l'album qui est déjà sorti et qu'on avait déjà mis d'ailleurs, c'était Ignorance. Thanks for being with us, guys. Welcome. Thank you. You have to know that this guy is the first radio host to play your song in France. Really? Parce que j'aime beaucoup. You're welcome. Bon, dans le groupe, donc, alors déjà ils sont nombreux, un petit groupe mais beaucoup de monde. Il y a Josh, Zach, Jeremy, Taylor, et puis la très belle Hayley, justement. Bon, comment ça va? So how you guys doing? Hi. So good. Really, we just good. Got here. Ils viennent juste d'arriver. Donc oui, d'accord. Vous parlez un peu français ou pas? J'ai entendu Hayley tout à l'heure qui essayait de dire deux trois trucs. You speak a little bit of French. Oh. Je ne sais pas. C'est déjà savoir, hein, cela That's dit. A good start. Oh, ouais. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Voilà, ouais. Très bien. Il ponctue en disant ouais. I know nothing. Okay. Non, elle connaît rien. Premier passage en France pour tout le monde ou pas? This is the first time you come to France, everybody? No, it's second time. Third time. Troisième fois. Bon, okay. This is our fourth time. Really? Quatrième fois. Oh my gosh. We don't know. Yeah. Quatre fois environ. Bon, ils ont déjà vu la Tour Eiffel. Enfin, ils ont fait le tour classique des visiteurs. The Eiffel Tower and the touristic site. Mm-hmm. Yeah. Oh yeah. Catacombs. Bon. Oh, les catacombes. Ah, les catacombes. D'accord. Ah oui, bah d'ailleurs, il faut savoir qu'il y en a quand même, il a un vieux Polaroid dégueulasse avec la Tour Eiffel qui est même pas droite tellement la photo a vécu d'ailleurs. C'est Zach qui a ça. C'est très joli Polaroid. Hein. That's a nice picture. Oh, thank you. Voilà, la Tour Eiffel qui est très... Bon, heureusement, il y a le ciel bleu derrière, c'est quand même relativement rare, mais bon, c'est pas mal. Bon, pour en revenir donc à Paramore et au groupe, donc vous êtes fait connaître en France avec Decode, donc, hein, c'était ça, voilà. La BO, donc, du film Twilight. Et Hayley, donc, t'es une grande fan du livre, tu t'es apparemment battu pour faire la BO, vrai ou faux? We first got to know your band with this song in France, oh, which cool. is the original soundtrack from Twilight. Yes. You were really a big fan of the book. You fought to make the original soundtrack, you really wanted to do it? Yeah, I read all the books except for the last chapter of the fourth one, which is the last book. Okay. So, like, I read them and then I found out that they were making a movie of Twilight, and I thought it would be really cool. Josh had been writing, and he had the music to Decode, and it sounded to me like it would fit. So, yeah, we pretty much begged our way onto the soundtrack. Ouais, en fait, elle est effectivement très très fan des livres. Elle les a tous lus, sauf le dernier chapitre du quatrième tome. Ah là, oui, crève quoi. He says the last chapter from the fourth edition is the one where the guy dies. Oh my god. Okay. He's a spoiler. All right. Et, en fait, Josh avait déjà avait aussi bon une passion pour ça. Il avait déjà écrit la musique et voilà, il trouvait que ça collait super bien avec la bande originale. Donc ils ont fait leur chemin à travers ça, quoi. D'accord. Et alors, donc, pour ceux qui connaissent pas, donc Twilight, c'est l'histoire en fait d'un amour impossible entre une jeune humaine et un vampire. C'est côté romantique façon Roméo et Juliette version dark. C'est quelque chose qui te correspond ou pas, ou même au groupe en règle générale d'ailleurs. Twilight is a story between a vampire and a young human girl. Is it this romantic side like Romeo and Juliet in a dark version that was attractive to you? Yeah, I mean, I think every girl is sort of really into that whole forbidden love kind of story. It's classic, you know. I mean, and plus I like vampires, I like zombies and all that kind of weird stuff. So it was just really fun to read. En fait, elle pense, voilà, c'est assez classique finalement pour toutes les filles d'apprécier ces histoires d'amour impossible. Et puis en plus de ça, comme elle est très fan de vampires et de zombies, voilà, elle les a dévorés les livres, quoi. D'accord. J'ai vu dans le public qu'il y avait une petite Hayley qui est là-bas, toute rousse comme la vraie. You got a look-alike in the audience. Ça fait partie de la famille ou pas? I was telling her hair looks awesome. Ouais, elle lui a dit justement que ses cheveux étaient excellents. She's not part of our family. I'm so no, we're not. Are we related? We might be. Elle te demande si vous êtes parents. Non. Ça s'entend pas dans l'accent en tout cas, hein, ça c'est sûr. Hein. Bon, j'ai vu aussi que vous aviez, enfin qu'on t'avait donné plutôt des surnoms. Alors Hayley, donc les surnoms c'est relativement bizarre, c'est Edge Bomb, Hayley Ball. Ça vient d'où? All you guys have nicknames, but you Hayley, you have very very strange nicknames like Edge Bomb or Hayley Ball. Can you tell us where does it come from? Just crazy friends. I got crazy friends. Jeremy always calls me ridiculous things too that we haven't put up on the website yet. He always calls me like flame brain hydrant head, yeah, because of my red hair. Right. And the worst, the absolute worst, is triggerfish because have you ever seen a triggerfish? What's the triggerfish? It's like a, it's this fish, it's got this little mouth but these massive teeth, just like really big gap teeth. That's what I have. That's a triggerfish. En fait c'est parce qu'elle a des amis complètement tarés en fait qu'elle se retrouve avec des surnoms. Et alors c'est surtout Jérémy qui lui donne des surnoms de ouf, dont certains peuvent se retrouver sur le site web justement, comme par exemple cheveux de fer par rapport à la couleur de ses cheveux. Ouais. Ou encore je sais pas le nom du poisson en français, mais triggerfish, c'est un gros poisson qui a une toute petite bouche avec juste deux dents qui sortent devant. Et voilà, comme apparemment elle a des dents du bonheur, enfin des dents de lapin aussi. Parce qu'on a un roux également dans l'équipe, hein. Il est là, bon ça se voit mal parce qu'il a un peu honte, il a une casquette. You've got someone with red hair in the team too. You can see right now. Quel rapport? Enfin, j'ai pas. Ah non, je disais juste. Ah oui, voilà, c'est ça, c'est parce qu'on parlait de ses cheveux roux. Ah d'accord, ok. Voilà, parce que d'accord. Bon, elle est légèrement rousse. Oui, léger, oui. Et voilà, donc on disait que il y avait aussi un roux dans l'équipe. Oui, je suis pas très roux, mais. Oui, enfin non, par rapport à elle, c'est sûr. Why are you behind that wall over there? You're like quarantined. Away from us. Elle te demande pourquoi tu es derrière ce mur. On dirait il a peur. En quarantaine. Moi, je suis atteint de la grippe. Hein. We don't have enough microphones. Okay. Il a la grippe. Qui est derrière la vitre. He's got the flu, so that's why he's behind. Oh, stay over there. Yeah. Bon, pour en revenir à Paramore, alors là, j'aurais besoin de l'avis de tout le groupe. Si on évoque l'influence d'Evanescence ou d'Avril Lavigne, ça fait chier ou c'est vrai? Do you guys mind if you are compared to Evanescence or Avril Lavigne? Is that a problem to you? Only if people know we're Taylor prefers it. Yeah. Only if people know that we're complete opposite. I mean, we couldn't be anything further from those two artists. For one, the whole Avril Lavigne comparison, we're a band. I don't know if people know that, but we're a full band. And then I don't think we really sound like Evanescence at all. They're very, very dark and a lot heavier than we are. I mean, we aim to be like them when we were writing. Like, yeah. That's our goal. Like, how can we make this sound just like Skater Boy? En fait, il, ça les dérange pas dans la mesure où on se rend bien compte qu'ils sont complètement à l'opposé. C'est-à-dire qu'ils ne pourraient pas être plus à l'opposé que ces deux groupes-là, notamment Avril Lavigne. La différence qui saute aux yeux, bah, c'est que c'est un groupe. Et puis concernant Evanescence, ça sonne juste pas du tout pareil. Evanescence est beaucoup plus sombre et beaucoup plus heavy que Paramore, quoi. D'accord. Et parce qu'ils ont le point commun, en fait, pour ceux qui se demandaient pourquoi on avait parlé, c'est le producteur, hein, Rob Cavallo, donc qui est le pro d'Avril Lavigne et bon, et Paris Hilton. You are compared to those bands because of Rob Cavallo, the producer, who's also the producer from Avril Lavigne and Paris Hilton. Yeah. Anyway, I would say we're more like Paris Hilton. Ils sont plus proches de Paris Hilton que d'Avril Lavigne. We're more like Paris Hilton. Plus Paris Hilton, ouais. Ah, plus Paris Hilton. Ouais. Bon, allez, vous pouvez sortir. Ok, so you can leave now. Bon, et donc Brand New Eyes, donc c'est nouvel album qui sort le 29 septembre. On a bien écouté le single, donc Ignorance, donc le single qu'on vous avait déjà passé plusieurs fois. Et on a une petite question, c'est qui le bâtard qui t'a déçu à ce point-là? So we've been listening to Ignorance a lot, and we got a question. Who's the bastard that has been so disappointing? probably. Est-ce que c'est un du groupe? It's me. Is it a guy from inside the band? It's me. Non, c'est elle-même. Whoa. Volunteers? What? À moins qu'il y ait des volontaires. Oui, il y a deux volontaires. Ah, il y a deux volontaires. Ouais. Parfait, d'accord, ok. Donc c'est elle alors. So it's yourself. Yeah. Oui. I don't know. This song is about all of us, so it's non, just ça parle de tous. I'm just the one with the mic. Non, ça parle de tous les membres du groupe, mais c'est juste elle qui tient le micro. Ah, d'accord, ok, non, très bien, parce que sinon on s'excusait pour le bâtard. Hein. Voilà. Est-ce que vous savez ce que ça veut dire Paramore, donc justement en français? So have you guys been thinking about what could mean Paramore in French? Secret love. Amour secret. Ah. Presque. Alors en fait, c'est about love. Ouais, c'est pas vraiment en français, c'est en deux langues, on va dire. Hein. Ça signifie donc par amour. It will mean in the name of love. All right, that's awesome. In the name of love, we've come to rock. Ça fait plaisir à la fille, mais les mecs sont morts. Ils disent putain, quel honte. Voilà, oh merde. Par amour, on a réussi à faire du rock. On est devenus des rockers. Ça va, ça fait plaisir aux mecs aussi ou pas? Je m'inquiète là. Do you guys like this meaning too? It's a good one. Oui, c'est un bon. Ouais. It's strong. Ouais. Bon, très bien. Vous êtes des sentimentaux ou pas? Are you guys sensitive or not? I am. Oui. I'm not. Non, Ellie, il est pas. D'accord. Yeah. Sure, yeah. Ouais. Oui, c'est plutôt, oui. Bon, d'accord. Bon, en même temps, ça va. Ça a tout l'air de s'en battre les couilles. Ouais, ça aide quand même pour Pécho d'être dans le groupe ou pas? Est-ce qu'il pécho plus qu'avant? Is it positive to be in a rock band to get girls? Is it what? No. We all have girlfriends back at home. So non, we're not really into the whole. Ils ont tous des petites amies à la maison, donc ça les intéresse pas. D'accord. Bon, bah forcément, ça aide. Bon, on va faire une petite interview let's par make, amour, justement. A little interview which is named the In the Name of Love quiz. Voilà. Par amour, est-ce que tu serais prête, Ailey, à renoncer à la musique? So, in the name of love, could you stop making music? Oh. That's a tough one. I don't know. Elle sait pas. Non? Yes. Ah. Yeah. Ouais. Il y a du oui chez les garçons. Ouais. Les garçons oui, mais Ellie non. D'accord, ok. It depends. Ça dépend. Ouais, c'est Taylor qui dit ouais. It depends. Bon. Ok, alors par amour, est-ce que t'accepterais de t'habiller normalement et de renoncer à la couleur de cheveux que tu as? In the name of love, would you agree to dress normally and to have normal hair, normal color hair? Enfin normal, brun ou blonde quoi. In the name of love, I don't think you should ever have to change your hair. Non, en fait elle dit que par amour, tu ne devrais jamais avoir à changer la couleur de tes cheveux. Bon, par amour, est-ce que tu serais prête à tout plaquer pour aller vivre en nomade au bout de la terre? So in the name of love, would you guys be ready to drop everything off and go live somewhere else on earth? Sure. Yeah. Ouais. Par amour, est-ce que tu serais, est-ce que vous seriez prêt justement à fermer les yeux sur les infidélités de vos mecs, vos meufs? Would you be able to forgive your girlfriend or your boyfriend if it cheated on you? I don't know. Elle ne sait pas. It depends again. Ça dépend encore. It's maybe more complicated than just a yes or no. C'est tellement plus compliqué que juste un oui ou non. Alors. Non, c'est vrai, ouais. C'était Laure qui l'avait dit, ouais. Bon, par amour, est-ce que vous pourriez vous accommoder d'un ménage à trois? So in the name of love, could you be able to live a threesome? What are we talking about right now? What is this? I would alors, say... on ne vient pas là. I would say no comment. Non, on non, sans commentaire. Even go there. Sans commentaire, on va pas là. Taylor qui parle souvent, est-ce qu'il serait prêt lui à faire ça ou pas? Taylor, what about you? Or more. Oh, to leave or more. It? Okay. Yeah, to leave it. To be into it. No, oh, be into it. I don't know. Non, dis-leur qu'en règle générale, en France, on ne peut pas spécialement des interviews comme ça. Hein. C'est juste not, ici. Hein. This is not a usual French interview, don't worry. It's just this interview that's strange. Okay. You're not all like that in France. Voilà, attention, la meilleure. Par amour, est-ce que tu pourrais aider à masquer un meurtre? In the name of love, could you help someone to hide a murder? Yes. Oui. Ah, ça c'est oui. Bon. Okay, so especially if they killed a terrible person. Et plus particulièrement s'ils ont tué quelqu'un de vraiment horrible. Oui, forcément. And in the name of love, would you be able to kill someone? No. Non, ils seraient pas prêts à tuer par exemple. Ouais, ça dépend, ils viennent d'où des États-Unis? Where you guys are from in the US? Yeah, think about if someone like hurt your mom, you'd kill him. Ouais, I'd just punch him in the face. No, I'd kill him. Don't mess with my mom. Si quelqu'un tapait la mère d'Ellie, elle le tuerait. Tandis que Taylor, lui, il le taperait juste. D'accord, ok, très bien. Ouais, parce que s'il tue quelqu'un, ça dépend d'où ils viennent aux États-Unis, mais bon. Ina, ça se passe mieux que peine de mort. Where you guys are from in the US? Nashville, Tennessee. Nashville, Tennessee. There's death penalty there? Yeah. Ouais. Wait. Yeah. Ouais, il y a la peine capitale. Ouais. Il faut pas tuer. Hein. Don't kill. Don't kill. Il vaut mieux pas. Ouais. Okay. Bon, est-ce que vous avez vraiment eu envie de vous séparer ou c'était des rumeurs parce qu'on a vu ça sur Internet? We read gossips on the Internet that you guys were about to split. Is that right? Is that true? I mean, we weren't like it wasn't like we're about to break up, but yeah, we went through a lot of, you know. We went through a tough year and a half, I guess, over 2008. In fact, we were supposed to come here and play for you guys in Paris, but we had to cancel the end of a tour because we just thought, you know, we weren't doing well, we weren't really getting along, and we needed to go home and sort of work out whatever was... It was too much? Yeah, we had been busy for so long, and we were frustrated, and we'd just living together isn't... easy, you know, after a long time, especially when you're busy all the time. En fait, c'est pas vraiment qu'ils étaient sur le point de se séparer, mais voilà, les rumeurs sont arrivées en France parce que c'est justement le concert de Paris qui a été annulé, puisque c'était à la fin de la tournée où ils ont été très très occupés pendant un an et demi en 2008, et ils en sont arrivés voilà à un état de saturation où ils ont préféré retourner tous chez eux, prendre une petite pause plutôt que de faire de la merde sur scène, quoi. D'accord. Donc c'est très compliqué de vivre ensemble, surtout quand t'es très très occupé, donc ils ont juste préféré pas prendre de risques. Et est-ce qu'ils connaissent le groupe anglais Oasis? Do you know the English band Oasis? Yeah. Alors justement les deux frères là, Josh et Zach, parce qu'ils sont ils sont frères, ils ont pas peur de devenir comme les frères Gallagher? So you, Josh and Zach are brothers, so you're not afraid to end like Oasis fighting? We don't really fight that much. Non, ils se battent pas vraiment souvent, ils s'engueulent pas souvent. Non. They fight about their bad breath. Ils se pètent la gueule ensemble. Ils se disputent à cause de leur mauvaise haleine, mais c'est tout. Ah, bon, on a le même problème. Alors, est-ce qu'ils ont trouvé une solution? We've got the same problem with a member of the crew that has a bad health. So, do you have a solution? Pour l'haleine, hein. Cut it. You have gum. Cut it. Chewing gum, ou alors chewing arrêtez gum. De respirer. Ok. Bon, ah, top, chewing gum, hein. D'accord, ok, bon bah très bien. Bon, il y en a parlé juste avant le quiz pour Brand New Eyes justement. Vous avez travaillé donc avec Rob Cavallo, qui entre autres produit donc Green Day, Avril Lavigne ou encore My Chemical Romance. Vous avez travaillé avec qui d'autre? So we told earlier that you've been working with Rob Cavallo, who's been working with Green Day, Avril Lavigne or My Chemical Romance. But who else have you been working with? Who else did Rob work with, or who else did we work with? Who else you work with? Well, I mean, in the past we've had two records before Brand New Eyes, and our first album we worked with a guy out of Florida named James Wisner and another guy out of California named Mike Green. And then our second record we worked in New Jersey with David Bendith, who produced the band Breaking Benjamin. And that was pretty cool. That was fun. We lived in Jersey for a while. Jersey kind of sucks, but it was still, you know, it was still a fun experience. And then, you know, after that, we did Decode with Rob, and that's where we met him. So we really loved the studio experience with him. He was like so laid back, and yet we came out with an awesome result. You know, like we loved Decode, so we thought we'd try a whole record with him. Okay, you met him in New Jersey. No, we met Rob in LA actually. Okay. En fait, bon ben voilà, sur les deux précédents albums, ils ont travaillé notamment avec James Wisner et Mike Green. Ensuite, sur le second, ils ont travaillé avec David Bendith, qui est notamment celui qui a produit Breaking Benjamin. Là, ils ont fait l'album au New Jersey, du coup, ils sont restés longtemps. Ils se sont bien amusés, mais ça craint, le New Jersey. Et finalement, ils ont rencontré Rob Cavallo à Los Angeles. Et c'est Rob Cavallo donc, qui a fait Decode, donc juste une chanson. Et en fait, ils ont tellement aimé aussi bien les studios, les installations, que la chanson, que la personnalité de Rob Cavallo, qui est très posée, que finalement ils se sont dit pourquoi ne pas faire un album entier avec lui, quoi. D'accord, bon bah très bien, on écoutera, enfin vous écouterez plutôt ça dès que ça sortira, donc le 29 septembre, c'est ça. Alors il y a au niveau des musiques, il y en a beaucoup en fait qui sont utilisées dans les jeux vidéo ou des films, c'est une volonté ou pas? There are a lot of songs from your band that are used in video games or in movies. Is that something you want to be? Not exploited, but you know, to have so many video games having your songs. Yeah, we love video games. Ouais, ils adorent les jeux vidéo en fait. Donc. D'accord. Et alors, il y a une tournée prévue bientôt en Europe? Is there a tour? Et en France en particulier? In Europe and in France in particularly. I mean, I think we're gonna try and come back here before the end of the year. Okay. For sure, this one or like I guess maybe December. I don't know. En fait, ils vont. December 7th. December 7th. Voilà, ils reviennent en France avant la fin de l'année, le 7 décembre exactement. D'accord, très bien. Et donc ce sera à Paris? In Paris. Au Casino de Paris. Au Casino de Paris, d'accord, ok, très bien. Ah, alors Jérôme, ça tombe bien que tu sois là. Jérôme, bien évidemment, qui gère la maison de disques, les albums, tout ça, etc. Ce nouvel album qui est une tuerie monumentale, qu'il faudra bien sûr, il faudra se ruer dans les magasins sur iTunes pour l'acheter bien sûr. Mais combien on peut en offrir? How many can you give away? I don't care. Elle s'en fout. 20 records. 20. Allez, 40. Allez, qui ne dit mot consent? 40, adjugé, hein? In exchange for crepes, we will give away 50 albums. In exchange of what? Crepes. Ah, en échange de crabes. Elle t'en donne plus. Des fruits de mer. Très bien, on essaiera de durer ça, ouais. Donc si vous voulez choper ça, 612, débutez le message par Mickaël, puis vous mettez Paramore et vos coordonnées complètes. Vous écoutez quoi comme musique hormis Paramore, justement? What kind of music are you guys listening to? Except from Paramore, of course. Quel style, quoi? Pas les mecs, hein. We've been listening to Phoenix a lot, which is from France. And then Mew. Phoenix, qui est donc un groupe français. Ouais. Mew, yes. Mew. It's hard, so why do we forget when we're asked about Il dit, fans elle comprend like... pas qu'on oublie les groupes qu'on écoute quand on nous le demande. I don't know. I just went back and listened to a lot of old Deftones stuff. Des vieux That's trucs not de really Deftones. New. We have a friend that lives in Sweden. His name is Katawatha. Katawatha, un groupe suédois. Really ok, alors s'ils peuvent choisir, alors ça va être compliqué parce que s'ils n'arrivent pas à se souvenir déjà de ce qu'ils aiment, s'ils peuvent choisir un disque, n'importe lequel à mettre ce soir, hormis Paramore. This is going to be even harder. If you could choose a song we will play later on the show, okay. Except that from Paramore, which one would it be? Ooh. Do you have the band Me Without You? Me Without You, est-ce que tu as ça? Non, mais je vais chercher sur iTunes. Hein, he's got iTunes, problème. So no problem. Okay. Il y a pas de problème, avec quel titre? Which song? It's called, should we do old song or new, the new song? Do the new song. La nouvelle. It's called The Fox, The Cookie and The Crow. The Fox, The Cookie and The Crow. Ok, très okay. bien. Eh ben, d'accord, je regarderai ça sur, yes. sur iTunes, il n'y a pas de problème, on mettra ça tout à l'heure. Voilà. Bon, bah, merci à vous d'être venus ce soir. On rappelle thanks que donc, guys, le nouvel album Brand New Eyes sortira donc bah, le 29 septembre. Et puis, bah, quand vous êtes dans le coin de nouveau, n'hésitez pas à repasser. Le 7 décembre donc au casino de Paris, les places qui seront probablement à vendre bah, bientôt hein, j'imagine, et puis bah, si elles n'ont pas à vendre hein, je compte sur Jérôme bien sûr pour nous en mettre quelques-unes de côté. Ah deux, très bien. Thanks a lot okay. for being with us once again. You can come back anytime you want. If you want to come back in December, no problem. Yes, thank you. A pleasure to have you. Voilà. Thanks bon. So much Mickaël, le podcast. Bon, on va se faire le question pour une réponse maintenant avec Yann qui est là. Bonsoir Yann. Bonsoir Mickaël. Comment vas-tu? Salut. Ça va bien et vous? Bah écoute, ça va plutôt bien aussi, ouais. Bon, Yann, tu appelles du 93 à Drancy. C'est ça. Très bien. Et de l'autre côté, il y a Ludwig, le champion de la SI Star. Eh bien. Eh oui, Mickaël, eh oui, ça fait un bail. Ah, ça fait longtemps, mais jamais assez. Hein. Bah, vous y êtes inscrit au QPR? Mais oui, comment ça se fait? Ah oui, quand même. Bon, Ludwig, 22 ans, du 76 à Esteville. Eh oui. Très bien. Bon, Ludwig, il déménage tous les ans. Bah oui, moi je suis un grand voyageur. Hein. Ouais. C'est ça. Bon, Ludwig, tu veux jouer avec qui? Avec le roux. Ouais. Allez, on va au hasard. Parfait, parfait. Et toi, Yann, tu veux jouer avec qui? Moi, je joue avec Sandro. J'ai vu trois connexions. Si je puis me permettre, ne joue pas avec elle. Je comprends pas, les auditeurs ont envie de perdre tous les soirs. Hein. Mais non, ça les fait marrer de t'entendre. Voilà. Yann, c'est sympa de sa part parce qu'il rate des cadeaux quoi. T'entendre râler. Yann, tu peux encore changer hein. Oh non, moi j'aime bien Sandro alors. C'est sûr, j'ai lu les questions, c'est pas pour elle. D'accord, eh ben écoute. Ouais, bien, tu l'auras voulu, après tu me diras pas que c'est de ma faute, machin, non. Non, c'est pas grave. Je t'ai proposé non, plusieurs non, fois. Non, non, non, non, le casque sur les autres. Non, le casque hors des gens. Je vous conseille à tous d'enlever vos casques deux secondes, juste deux secondes, s'il vous plaît. Ah ouais, tu vas mettre la Easy Star. Enlève ton casque. Voilà. Qu'est-ce qu'il y a? Voilà, c'est bon. Voilà. Mais qu'est-ce que t'as fait? Rien. Ah ouais, si, tu nous as coupé le son, t'es relou. Hein. Mais non, j'ai pas coupé le son. C'est le roux qui avait chipoté avec son bitonio, du coup il était en galère. Oh, t'es chiant, roux, putain. C'est pour vous. Il est là, il est content, il rigole. Bon, bref, vous derrière votre radio, ça n'a rien changé. Hein. Yann et Ludwig, nous allons maintenant jouer à question pour une réponse. Bonsoir à tous, installez-vous confortablement. Voici le rendez-vous incontournable des têtes bien faites et des cerveaux en folie. Question pour une réponse. Attention, ça va commencer. On monte le son. Oui, ça va durer longtemps, oui. C'est sympa, il y a des questions faciles, mais il y en a qui sont pas faisables. Ta gueule. Voilà. Non, ça faisait longtemps, Julien, excuse-moi, mais ça faisait longtemps. Démangeur. Bon, Yann et Ludwig, nous allons jouer maintenant à question pour une réponse. Ludwig, tu as choisi le roux et Yann, malgré mes conseils, tu as volontairement choisi Sandro. C'est dommage. Alors, oui, je te confirme, Julien, alors que j'avais dit que c'était pas pour elle. Allez, on va gagner, Ludwig. C'est allez. Une question difficile. Exactement, ouais. We gonna win. Est-ce qu'il y a Mike? T'as le casque sur les deux oreilles. Oui, j'ai bien le casque. My winner. Yeah, we are the winner of the night. C'est ça. Mais c'est bon, arrête de flipper. Non, mais je ne flippe pas. Ne t'inquiète pas. Bon, on va y aller, vous êtes prêts? Prête. Ouais. Ready. Attention. Moi, je vais le faire qu'en anglais. Vas-y, fais toutes les réponses en anglais. Fais-le en anglais. Je vais compliquer un peu la tâche. Ouais, c'est d'accord. Ça, ouais. Bon, il se croit tellement vainqueur de... C'est ça, ouais, il se la ramène. Là, bah non, c'est toi qui te crois trop perdant. En même temps, il peut se permettre. Les réponses en français du roux ne seront donc pas validées. Bah... Je suis pas dans la merde, hein, si je sais pas dire le mot en anglais. Allez, on y va, vous êtes prêts? Attention. Ready. Top, yes. Je suis tiré d'un recueil de chroniques publié par une journaliste new-yorkaise qui a écrit ses chroniques en s'inspirant des aventures. Oui. Sex and the City. Hein. Bonne de réponse. En fait, c'était pour la vénère si elle jouait pas parce que c'est là que je savais. Ah, c'est que dégueulasse. Franchement, ça se fait pas. Putain. Juste pour qu'elle soit vénère. Mike, c'est abusé. Fais pas ça, arrête. Fais pas des trucs comme ça. Je suis aussi un livre, une série télé, un film très moyen, mais contrairement à ce que pensent les gens, pour pouvoir adapter mon histoire, on a supprimé beaucoup de passages qui font allusion aux drogues dures. À l'origine, le récit est plus sombre et cynique, mais rassurez-vous, c'est bourré de sexe. L'histoire se passe à New York et toute l'histoire est tournée autour de quatre pétasses moches et vieilles. À qui il arrive des aventures basées sur leur histoire d'amour ou sexuelle. Comment? Il fallait me dire ça, j'aurais trouvé. Oui, bah il fallait attendre. Toff a essayé de faire la version belge de cette série, il nous racontait ses histoires sexuelles qu'il a eues avec toutes ses femmes, entourées de ses bons amis Michael et Jack, mais bien sûr la série était tellement pourrie que personne n'a voulu la produire. Sex and the City. Il est bon ce candidat. Pour là, le coup, hein. Ça passe en anglais. Redoutable. Pour le coup, ça passait en anglais aussi. Excuse-moi, Julien, je t'ai coupé. Exactement. Oui, oui, tu peux t'excuser. Deuxième question. Vous êtes prêts? Ouais. Yes, ouais. Attention. Ouais, c'est toujours pas pour Sandro. Top. Vous me connaissez tous car je suis aussi célèbre que Brad Pitt. On me considère Sandro comme l'un. Angelina Jolie. Hein. Non, Ludwig. Non. Non, on me considère comme l'une des personnes les plus créatives de l'ère du cinéma. J'ai été réalisateur, scénariste, producteur, monteur. Tom Cruise. Non. Et même ce n'est pas ça. Compositeur de mes films. Ma carrière durera plus de 65 ans. Oui. Alfred Hitchcock. C'était pour moi. Pas du tout. Mais ce qu'on retire de moi, c'est mon rôle de clochard que j'ai joué toute ma vie comme Orson Welles ou Alfred Hitchcock. Non, j'allais dire Johnny Depp. Et malgré ma grande popularité, je n'ai jamais reçu d'Oscar. Mes mariages ont défrayé la chronique. J'avais 29 ans quand je me suis marié avec Mildred Harris qui en avait 17. J'en ai 35 quand j'épouse Lita Gray qui en avait 16. Et j'ai 54 ans lors de mon mariage avec Ona O'Neill. Oui. Sandro. Trop tard. Qui en avait 18 quand on aime, on ne compte pas, évidemment. Oui. C'est non. Lors d'un concours. Non. Hugh Hefner. Non. Lors d'un concours de sosie de moi-même organisé à Monaco, je me suis présenté incognito, pardon. Farrah Fawcett. Non. Oui. Charlie Chaplin. Yeah, Charlie Chaplin. Oh non. Mais je n'ai pas gagné, je me suis classé 3ème, c'est quand même. D'accord. Le mec il va dans un concours de sosie de lui-même, il participe et il est 3ème. C'est vrai. Il ne ressemble pas assez à lui-même. Mais Patrick Sébastien aussi, hein, il était arrivé 2ème à un concours de sosie de lui-même. C'est dingue quand même. T'as pas dit Ryan O'Neill, il s'est marié à Ryan O'Neill? Non, je crois que. Ryan O'Neill, j'ai pas parlé de Ryan O'Neill, non. On continue avec un match viril. Et serré surtout, enfin, un partout. Attention, troisième et dernière question, un partout donc pour Yann qui joue avec Sandro et un également pour Ludwig qui joue avec Leroy. Attention, vous êtes prêts? Vas-y. Attention, top, j'ai été inventé par des Chinois au 4ème siècle. Oui. The baguette. Paquette, c'est ça. Non. J'étais utilisé par les nobles à l'époque. J'étais fabriqué en bambou ou en santalé, couvert de feuilles ou de plumes. Ma version actuelle, Ludwig. J'ai rien compris. Quoi? Le ping-pong. Non. Ma version actuelle a été créée par un Parisien vers 1730 et c'est grâce. Oui. De. C'est Flashbox. Non. C'est grâce à Jean-Marius, un autre français, que je prends ma forme définitive et que vous pouvez me mettre dans votre sac. Oui, le big. Le tennis. Non, tu peux jouer aussi, Yann. Ouais, toi aussi, je mets ta bite dans ton sac. Comme je suis de forme longue et fine, Toff a essayé de m'introduire dans son anus sans succès. Roux. Un eyeliner. Non. Oui. Le parapluie. Bonne réponse. Je m'incline devant le savoir. On t'a soufflé. La connaissance. Non. Si, c'est Jack qui t'a soufflé. Sur la vie de ma mère, c'est pas Jack qui m'a soufflé. Ouais, j'ai vu, je savais pas faire un bouton, ouais. J'aurais jamais trouvé. Ouais. Bon, cul, ça se met dans un sac, c'est long et fin. Oui, enfin j'en ai un, il rentre pas dans mon sac, il est dans mon coffre. Hein. Ouais, y en a une raquette de tennis avant. Oui, il y en a qui. Oui. Effectivement. Bon, je continue. Où est-ce qu'il est? Toff a essayé de m'introduire dans son anus sans succès car je sers avant tout à protéger les gens. Je sers avant tout à protéger les gens et je fais partie des accessoires indispensables pour toutes les femmes et hommes du monde, riches ou pauvres. Pour certains, m'ouvrir dans une maison porte malheur. Cela ne va pas vous aider, mais en argot, on m'appelle Pépin, Pébroc ou Riflard. Mes cousins les plus proches s'appellent Ombrelle et Parasol. Je suis donc un parapluie. Bah bravo. Eh ben bravo à toi Yann. Contre toute attente, tu as gagné. Grâce à toi-même et uniquement grâce merci à toi. Sandro, hein. Bah, je t'en prie, avec plaisir. Le public est au taquet, hein. Le public est au taquet. Bon Ludwig, malheureusement, comme la SI Star, tu as perdu. Tu as choisi le mauvais cheval. Hein. Il faut croire que c'est une habitude. Oui, ça a l'air, hein. Tu rentres chez toi les mains vides. Ah bah comme d'hab quoi. C'est ça. Oh c'est pas bien grave. Ouais mais maintenant tu connais le chemin. Mais oui ça arrive même au meilleur. Ouais. Oui. Bon, une petite chanson pour finir. Non. Allez, salut Ludwig. Ciao. A bientôt. Ciao à toi. C'est et puis cool. Yann c'est gagné. On va te renvoyer chez Micha au standard. Et puis tu vas choisir ton cadeau avec lui. D'accord. Ok. Salut à toi. Merci, au revoir. Et je t'en prie, à bientôt. Ciao à toi, Yann. Eh ben, c'est une question pour une réponse. Retour du question pour une réponse demain dès 21h. Merci d'avoir joué avec nous et à bientôt pour une nouvelle partie de questions pour une réponse. Mickaël, le podcast. Vous en avez parlé tout à l'heure à la fin du match et avant l'interview de Paramore. Nous avons donc la déclaration de Raymond Domenech après le match. Après le match. Et surprise, il a parlé d'Estelle. Alors écoutons. Ce soir, l'équipe de France a montré beaucoup de cœur, beaucoup d'envie. De quoi est-ce que vous êtes le plus fier ce soir, même si c'est un match nul? De tout. Ce soir, je suis vraiment heureux pour tous les gens qui croient en nous, tous ceux qui nous ont soutenus, deux, et qui nous soutiennent encore et qui croient à cette équipe. Parce que un, moi, j'y crois, c'est pas fini. Je veux dire, on est dans la course encore, c'est un match exceptionnel. Je veux dire, à 10, je peux pas dire plus. Dans tout, il y avait tout. Dans le sens, dans le jeu, dans l'envie, quel mytho, dans la technique. Personne n'a eu peur, on a joué. Voilà, c'est comme ça qu'on aime voir ces joueurs-là qui sont de ce niveau-là jouer comme ça. Non. Avec cet état d'esprit, on a l'impression qu'il ne peut plus rien arriver à l'équipe de France. Je sais pas, chaque match a une vérité, mais quand on répète les matchs à ce niveau-là et qu'on joue de cette manière-là, on peut s'appuyer sur quelque chose. Il est quand même solide, content. Le prouve à chaque match. C'est du pichot. Je crois qu'on doit les féliciter. C'est l'autosatisfaction. À tous ceux qui m'ont soutenu, et à ma compagne d'abord, parce que c'est dur aussi. Et à tous ceux qui nous soutiennent, j'ai 200 textos, je vous dis merci à tous. Merci vraiment. 200. Il dit, il dit merci à ceux qui l'ont enculé, rentre chez toi. Putain de sourcils, tout le monde. Non, mais pour le coup, il va tous les insulter là. Pour le coup, il a dit de la merde, parce qu'ils n'ont pas joué, c'est pas non plus hallucinant comment ils ont joué. Non, mais ça va, ils ont rattrapé un but, mais ils étaient à 10. Bon, ben voilà, c'est bien, mais enfin, c'est pas non plus. C'est-à-dire que ça, en Coupe du Monde, vas-y, mets ça contre l'Espagne ou le Brésil, tu vas voir comment ça va se passer. Ouais. Non, mais il fait l'autosatisfaction, quoi. Il s'auto-persuade. Oui, que... parce qu'ils ont joué contre la Serbie, ils vont pas non plus pas se branler, quoi. Ouais, mais en même temps, il va pas vous dire le contraire, hein. Non, c'est non, vrai. Mais il pourrait dire ouais, c'est dommage qu'on se soit fait sortir un joueur parce qu'on aurait peut-être pu gagner et tout. Non, là, c'est génial. C'est génial, un match super. On est au top, c'est une tuerie, ils ont tous super bien joué. Enfin, ouais, c'est un peu pour dédramatiser, hein. Oui, c'est bien ça le problème. Ancien boss disait ça de nous aussi, hein. Oui, c'est vrai. Je vous rappelle. Je propose qu'on fasse un jeu maintenant, c'est quel sera le prochain message de Domenech pour Estelle? Oh bah ramène la baguette demain soir. Hein. Non, parce que tu sais, en fait maintenant à chaque sortie de match, je remercie ma compagne Estelle, veux-tu m'épouser? Ouais, mais pour le coup, tu sais, ça se fait pas parce qu'il est sélectionneur, on s'en bat les couilles de sa meuf. Mais oui, pourquoi il parle de sa compagne? Ouais, mais franchement, il doit tellement galérer le pauvre, je te jure, j'aimerais vraiment pas être à sa place. Non, c'est clair. Dis rien, fais comme les Anglais quand ils sont pas contents, ils se barrent du terrain et puis point barre, quoi. Non, mais lui, il est obligé de répondre à TF1. Ah non, ah oui, t'es obligé, t'as des contrats, ouais. C'est ça, avec les sélectionneurs anglais, je l'ai vu sortir plusieurs fois mais contrat. Mais oui, mais c'est ça, mais les sélectionneurs anglais, ils tirent la gueule et ils s'en vont quand ils ont perdu 4-5. Tu vois? Ils perdent pas des trucs improbables. Il était obligé de parler. Il a pas le droit. Attends, c'est les qualifications de Coupe du Monde. Le mec, s'il se barre sans parler à TF1, TF1 il va récupérer toute la thune. Ils étaient pas censés lui prendre un porte-parole qui dirait moins de la merde que lui. Ouais, bah ils auraient dû. Il a un coach. C'est quand le prochain match? Oh là, t'as le temps encore. C'est plus loin. C'est beaucoup plus loin. D'accord. Il reste l'Autriche et la Lituanie, je crois. Non, mais les prochains matchs. Ouais, mais tu sais pas quand c'est? Non, il faut attendre au moins un mois et demi, je crois. Ah d'accord, ok, très bien. Alors là, c'est le PSG qui rejoue au ce moins, week-end. Au moins, franchement, je m'en bats les couilles de la France, en fait. Non, mais c'est vrai, je m'en fous, je suis pas du tout l'équipe de France. Il attend que Domenech soit viré. Non, mais j'ai rien contre Domenech, moi, contrairement à tout le monde, mais je m'en fous, ils me font pas bander, quoi. Mais non, il est derrière Paris, le PSG qui est premier, deuxième. Deuxième, Paris deuxième, qui joue contre Monaco ce week-end. Eh oui, ouais, ça porte malheur en général, tu vois, mais contre Monaco. Allez, Paris. Oh. Ouais, c'est ça, on verra. Mickaël, le podcast. Hello, you're listening to the Popo Show with Paramore. Colin, have fun. Ah, c'est pas mal. Merci à Paramore d'avoir participé au Polo Show. Juste une grande question, pourquoi vous êtes là? Parce qu'on avait envie d'assister à ton émission, on l'a jamais fait encore, donc d'accord. C'est première pour nous. Safari, on fait l'interview. De nous? Bah oui, je sais pas, Safari, je sais pas, tu veux quoi? Bah, je viens de te le dire, j'ai jamais assisté à ton émission, c'est une grande première pour moi, donc je suis ravie d'être là. Bah merci, Sandro. Si tu veux, on peut faire aussi effectivement une interview, parce qu'on a de la promo à faire, on bosse pour Miklin, c'est le warm-up avant. Ah, c'est vous? On n'a pas fait le passage d'antenne, parce qu'en fait, moi j'aime pas trop me mélanger avec le bap-up. Avec les ringards, mais ouais, tu veux juste, fais la promo de ton émission, vas-y, je t'écoute. C'est quoi, c'est un warm-up, c'est Miklin? Vas-y. C'est toi l'animateur, fais le speech. Philadelphia. Ouais, c'est ça. L'Angleterre. Philadelphia. Ah ouais, c'est ça, l'Angleterre. C'est à côté. De quoi, arrête de parler dans le show. Bon, c'est qui? Allô? Hey, hello. Allô? Allô, I'm George, George WB. En fait, j'espère que je voudrais militer pour le country. D'accord. En fait, le country, le music. Hein, oui, le oui, oui, pas pays, le country, hein. le céréales. Tu as passé la musique de l'Irlande, là, du peuple. Pas du tout. Alors, c'est une grosse... It's a big mistake, but it's my mistake. Et je tiens à corriger le tir. Ça vient de Philadelphie, donc des États-Unis, voilà. Ok, mais c'est pas grave, parce que ça faisait comme la musique irlandaise. C'est ça. Tu pouvais pas mettre un petit peu de country dans ton émission. Mais tu sais, bien sûr. Tu la veux... Tu la veux comment? Dans ta gueule? Tu la veux où, la country? Le country, non. Ouais. Le country, je le veux dans mon oreille. Eh bah, tu l'auras pas. Tu ne l'auras pas. Ah bon, allez, casse-toi, allez, casse-toi, le public est arrivé. Manifeste-toi, crétin de public, ordurier, pourriture de public. Quoi, t'es pas content? Eh bah voilà, je préfère. Un peu de pub, on se retrouve juste après. Nouveau Ginette Mac 12 électrique avec ses 12 lames renforcées pour un rasage presque nickel. Mais ce sont les femmes qui en disent le plus grand bien. Ah oui, moi je suis très contente de mon Ginette Mac 12 parce que avant je n'arrivais pas à tout rager avec mes 5 lames et maintenant je vois la vie en toche. En roche, pardon. Et ce n'est pas tout. Maintenant, vous pouvez raser dans les moindres recoins de votre anatomie grâce à sa position manuelle. Oui, c'est vrai. Pour s'occuper de ma foufoune, c'est mieux que chez Manuel. Hein. Et si vous n'avez plus de batterie, vous pourrez brancher votre nouveau Ginette Mac 12 sur la prise murale. Ça c'est bien. À la maison, on n'a pas beaucoup de prises, mais on a beaucoup de murs. Nouveau Ginette Mac 12 électrique, le rasoir pour femmes. Merci. Hey, this is Zach. This is Barry. This is Eric. And this is Brent, and you are listening to the most ballin'-ass show on radio. The Polo Show. Ah là là, la queue de souvenirs. Je tiens à saluer Pablo qui est mourant. Il a 250 de fièvre. Il a une espèce de câble qui lui sort du fion. Il est alité. Il y a des infirmières autour de lui. Il lui manque un bras. Il a mal à la tête. Donc, je tiens à te dire, mon cher Pablo, car tu es un ami proche, que je suis avec toi. Voilà. Mec, il a tellement de fièvre, c'est-à-dire qu'il a la fièvre en Fahrenheit. Plutôt c'est ça, en Fahrenheit, exactement. Qui est là? C'est Cyril. Oui, Cyril, je t'écoute. Ça va? Oui, bah oui, ça va. Pourquoi ça irait pas? Je t'appelle parce qu'en fait, j'ai un problème. Oui. En fait, oui, c'est le renouveau du Polo Show. Maintenant, je résous les problèmes des gens. C'est nouveau. Voilà. Alors, avant-hier, il y a l'autre là qui voulait une femme, c'est ça? C'est ça? Oui. Voilà. Bon, qu'est-ce que tu veux, toi? Moi, je suis pétomane, en fait. Ah, c'est génial. Oh là là, on va se marrer. Allez, vas-y. En fait, j'ai un problème, c'est que j'arrête pas de me faire virer de cours. D'accord. Je comprends pas que c'est une maladie. T'as une vraie... Non, mais c'est sérieux? Oui, c'est une maladie. Plusieurs fois depuis ma jeunesse, j'ai eu des erreurs de code. Oh là là, c'est dégueulasse. Mais tu leur as expliqué que t'étais malade, que tu pouvais pas t'empêcher de lâcher ces pèses, ces caisses, ces... Hein? Ils croient que je me fous de leur gueule à chaque fois. Et qu'est-ce que tu comptes faire? Je sais pas, en fait, faudrait que les gens arrivent à accepter ça. Enfin, ouais, pas très bien. Bah, créer une association, parce que moi, j'en ai absolument rien à foutre. Ah non, mais c'est pas mes jambes, mais c'est vrai, quoi. J'arrive pas, ouais, mais c'est pas dans la vie. Pourtant, je suis un peu beau gosse, mais j'arrive pas à trouver de copine. Bah oui, mais si tu leur pètes dessus à chaque fois, on peut pas non plus... Tu vois, t'imagines, t'es au cinéma et tu lâches des grosses caisses. Ça m'est déjà arrivé. Bah voilà, tu vois, et c'est odorant, en plus, je suppose. Bah, les gens à côté, ils cherchent, quoi. Bah pourquoi tu deviens pas... Oui, travaille dans un cirque. Ou dans une fanfare. La grosse caisse. Et tu pètes. Et tu peux faire une chanson. Et tu pètes. C'est ta façon d'aimer. Mais c'est vraiment une maladie, c'est dur à supporter. Ouais, mais on a tous des maladies, regarde. Regarde Toff, il en a plusieurs, mais il arrive à survivre. Enfin, il essaye. Mais là, je peux rejeter. Bon, écoute, soigne-toi et puis reviens quand tu seras soigné. Ça va? Ouais. Ouais, casse-toi. Qui est là? Ah oui, je suis pas là pour soigner l'humanité. Attends, ça va. Oui? Les amis, un niveau très élevé cette émission. Ouais, Polo. Bah ouais. Quoi? Polo. Quoi? J'ai deux choses à te dire ce soir. T'as bu un peu, toi? Non, j'ai faux. Polo. Ouais. J'ai deux choses à te dire ce soir. Premièrement, mon Polo. Je t'écoute. J'ai envie de me taper ton bras. Je le dis officiellement, ça fait 5 ans que je suis sur le dos. Ça tombe bien puisque je suis là. Est-ce qu'il y a un mec derrière ta porte? Bon, qu'est-ce que tu veux? Tu veux te taper? Oh, qu'est-ce que oh, tu veux? Oh là là, mais c'est pas alors, un centre déjà, de rencontre. Je l'ai dit hier à l'autre là qui voulait rencontrer des femmes. Je suis pas là Polo. Pour ça. Polo. Bon, qu'est-ce que tu veux? Polo, j'ai dit le premièrement, je vais dire le deuxièmement. D'accord, deuxièmement. Le premièrement, je suis encore sur le dos de la Sandra. Deuxièmement. Bon, ça on sait. On sait. Polo. Oui. Deuxièmement. Je dirais pas tout. Je viens de te voir sur un mur de Facebook. Ouais. Et qu'est-ce que tu foutais à côté de ce mec? Quoi, qu'est-ce que je foutais à côté de ce mec? On discutait. J'ai le droit de discuter Polo à côté d'un homme. Non, vous étiez dans une chambre d'hôtel allongé tous les oui, deux. Oui, oui, il avait les cheveux longs, il ressemblait à une femme, voilà quoi, ouais, voilà, qu'est-ce que tu veux que je te dise? Donc tu avoues que tu t'es tapé un mec? Je me suis jamais tapé un mec, on discutait. Non, vous discutez pas. Ah bah attends, pas. C'est bon, quoi, on fait mon procès, c'est ça? Polo? C'est ça? Après non, on va parler de mes chaussettes. Comment ce mec a pu être allongé à côté de toi surtout? Mais il était allongé, il vivait sa vie, je vivais la mienne, on a le droit de vivre chacun notre vie, non? On a le droit Polo d'être dans la même pièce. Polo? Quoi? Soit je balance l'autre, ou soit je me tape la Sandra. Bon, alors tu vas te taper la Sandra parce que moi je peux pas assumer ça. Polo? Bon, quoi? Oh, tu as parlé sur un autre ton. C'est toi qui vas me parler sur un autre ton et tu me parles pas comme ça. La chevelure. Quoi? Bon, allez, casse-toi. Qui est là? Oui, bonjour, Jean-Jacques Leroy, président de Facebook France. Jean-Jacques Leroy. Jean-Jacques Leroy, qu'est-ce qu'il y a? Mon nom vous fait rire. Non, vas-y Jean-Jacques, je t'écoute. Du polo show. On n'a pas gardé les cochons ensemble. Ouais, hein. Bah encore heureux. Ouais, bah oui, je confirme. Voilà. Attends, excuse-moi Jean-Jacques. Le numéro 3. Oh, bah, numéro 3, tu pourrais m'appeler... Qu'est-ce qu'on en fait? Il va fermer ta gueule, le public. Qu'est-ce qu'on en fait? Qu'est-ce qu'on en fait? Tu es viré, tu es poussé... Ou non? Polo. Tu es poussé aux oubliés du Polo Show. Polo, c'est en portugais. Allez, va-t'en. Polo Show. Bon, Jean-Jacques... Le roi, Jean-Jacques ouais. Leroy. Ouais. Oui, j'ai entendu tout à l'heure dans l'émission comme quoi vous avez dit que Facebook rendait intelligent. Ouais, il paraît, ouais. Ouais. Bah, je comprends pas, hein. J'ai vérifié dans nos fichiers, vous avez un compte chez nous. Comment oui. Ça se fait? Bah, j'ai un compte Facebook comme ouais. Donc votre information est fausse hein. Ah bah apparemment non mais après il faudrait la vérifier. Ouais. Par contre je m'occupe également de Twitter France. Vous avez dit que Twitter rendait stupide. On se croirait en boîte, maintenant il y a Micha qui est en train de jouer avec les lumières. Si ce que je raconte vous intéresse pas, vous me le dites. Non mais vas-y quoi, Twitter, ça rend stupide. Vous me voyez, hein. Oui, ou oui, on se oui, voit oui. Ou on se tutoie. On hein, se tutoie. On se tutoie. Vas-y. Ou toi. Ou toi. Bon allez, je te poque. Hein. Bon ok. Eh, tu veux être mon ami? Non. Jean-Jacques Leroy? Oui. Allez, va-t'en. C'est mieux, on va s'arrêter là. Gare patient, gare chaud. Le Polo Show va bientôt se terminer. H-5 secondes. Pas minuit, hein. Et pour terminer ce Polo Show tout en beauté, tout en... En muesli, hein. Je veux dire muesli, comme ça, ça va être bien, c'est joli le muesli. Sec. Non mais de toute façon, la machine marche plus, alors elle marche plus. Qu'est-ce que je voulais dire Il a des problèmes psychologiques, il parle comme ça. Non, c'est pas ça, c'est qu'il fait chaud. Il fait chaud, donc je peux pas parler quand il fait chaud. C'est ouais, pas possible. Ah ouais. Allez, ainsi j'ai fait le Polo Show. Merci à ceux qui l'ont écouté, merci à ceux qui ne l'ont pas écouté surtout. Et à demain. Merci aux très invités bien d'être là. Parfait. Je suis ravi, j'assiste à ma grande dernière du Polo Show. Fais-le toi, espèce de Google, va. On va te voir. Vas-y. Mickaël, tous les soirs 21h minuit sur Énergie et l'intégrale en podcast sur énergie.fr.